basique sur les Flandres, mais ailleurs, on gardera de nombreux nuages et encore quelques ondées quand même. Les minima iront de 13 à 16 degrés, ça c'est pour la nuit. Demain, la situation s'améliore un peu tout de même, le ciel sera toujours nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse et une petite averse sera encore possible en Lorraine belge, mais plus à l'ouest, même si les nuages resteront nombreux. On aura quelques éclaircies et un temps généralement sec, les températures entre 16 et 21 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Le climat toujours plus chaud, les scientifiques sont formels, la planète chauffe comme elle n'a jamais chauffé. Constat pas tout à fait partagé sur les plages belges, dans les campings du bord de Meuse et les prairies peuplées de scouts et de patronnés. Des patronnés qui partaient justement pour quelques kilomètres de marche ce matin sous la pluie avec les encouragements de leur animatrice. Elles l'ont déjà fait quand il faisait trop chaud, ben la pluie c'est encore une petite touche en plus et dans quelques années ça fera des souvenirs pour elles, donc c'est comme ça qu'on les motive. La polémique après la mort du jeune Ramzi, l'adolescent de 15 ans, originaire de Genk, il est mort au Maroc. La médiatisation de son décès a suscité des messages haineux et racistes sur Facebook. Dans son quartier où il était apprécié, on hésite entre tristesse et incompréhension. Anderlecht pourra-t-il poursuivre en Ligue des Champions? On sera fixé ce soir après le match contre Roscoff au troisième tour des préliminaires. Les Anderlechtois sont confiants, ils ont arraché le nul la semaine dernière en Russie. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. On démarre avec ce constat. D'abord, le ciel a lâché le trop-plein aujourd'hui, il n'a fait que pleuvoir. Mais en fait Manu, c'est tout le climat qui se dérègle. 2015 était à ce titre une année record et 2016 s'annonce pas mal non plus. Oui, en 2015 en tout cas, on a relevé la température la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Le niveau des mers a encore augmenté avec encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les conclusions d'un rapport établi par 450 scientifiques du monde entier. Bref, les mises en garde sur le réchauffement climatique se vérifient. Yasmina Favaro, est-on parti pour battre des records comme ça chaque année maintenant? Difficile de répondre à cette question comme ça, mais 2014 détenait jusqu'ici ces tristes records et les six premiers mois de 2016 ne sont pas bons non plus. Ils ont tous battu le record du mois le plus chaud. Alors pour 2015, les marqueurs sont dans le rouge à cause de deux effets combinés. Le premier, l'homme et ses actions. Le second est un phénomène naturel, El Niño. Il prend sa source dans le Pacifique et selon son intensité, il affecte les vents et la température de la mer. Plus il est fort, plus il réchauffe les régions. Alors on parle de réchauffement, mais ici en Belgique, on ne ressent pas vraiment. Il fait même plutôt frais, Yasmina. Effectivement, c'est difficile d'y croire avec cette météo, mais ailleurs sur la planète, ils l'ont bien ressenti. Un record de température en Australie, la sécheresse s'étend ailleurs. Certaines régions côtières sont menacées par le niveau des mers de plus en plus haut. Écoutez, Hugues Gauze, il est climatologue à l'UCL. L'exemple qu'on voit de 2015 montre bien que le changement climatique, il est en marche. Tous les gens qui construisent des infrastructures doivent penser au fait que le climat va changer, que les températures vont être plus élevées, qu'on a des risques, certains endroits de tempêtes intenses, d'inondations. Ça, c'est pour se prémunir des impacts. Et l'autre aspect, c'est se dire aussi, ben, on va essayer de produire le moins de CO2 possible pour essayer que ces changements climatiques soient les plus faibles possibles. D'où l'importance de réaliser les accords signés lors de la COP21, la conférence sur le climat de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement à 1,5 degré, voire 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et à défaut de pouvoir limiter la casse, il va falloir s'y adapter. Le secteur de l'aviation, par exemple. Oui, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale invite les aéroports à déjà réfléchir à s'adapter aux risques liés au changement climatique. Les aéroports au bord de l'eau, par exemple, vont-ils devoir être déplacés si la mer continue de monter? Et avec la hausse des températures, il y aura une couverture nuageuse des aéroports du Moyen-Orient et d'Amérique latine, ou encore plus de turbulences en vol aussi. Bref, d'ici 2030-2040, l'organisation veut que le secteur soit adapté à toutes ces nouvelles donnes. Merci Yasmine. En attendant, ici, aujourd'hui, maintenant, sur le plancher des vaches, une chose est sûre, pour tout le monde, il a fallu composer avec la pluie. Le mauvais temps a vraiment touché tout le pays. Le patron des filles de Moucron Comines est sous tente en ce moment, à l'Aube, près de Charleroi. Et quand il pleut, au pas trop comme ailleurs, on compose, on dispose. Reportage sous la flotte avec Marie Dessy. En ce moment, les vacances en plein air, c'est plutôt bottes et caoué que lunettes de soleil et maillot de bain. Arrivé au camp avant-hier, ses patronnées s'apprêtent à connaître le programme de la journée. Vous allez devoir partir en hike, pas un hike trail, donc vous en faites pas. Et même s'il pleut, les chemins sont bien, donc il n'y aura pas de problème où vous devez marcher. Cette marche de 15 km sous la pluie n'a pas vraiment de quoi enchanter les adolescentes. Certaines sont plus motivées que d'autres. Déjà, ça m'arrange pas de partir tout court alors, sous la pluie. Moi, j'aime pas, mais après, quand j'y suis, ça va, mais c'est le départ qui est dur. On n'a pas d'eau dans les tentes, alors ça va. Et marcher sous la pluie, ça te fait pas peur? Du moment qu'on a un manteau, ça va. Pluie ou non, les filles doivent s'y faire. Le programme du camp n'est pas vraiment modifiable. Même s'il y a pluie, elles vont être mouillées au début, après elles vont s'habituer. Donc elles l'ont déjà fait quand il faisait trop chaud. Ben, la pluie, c'est encore une petite touche en plus. Et dans quelques années, ça fera des souvenirs pour elles. Donc c'est comme ça qu'on les motive. Céline Van Menen, l'animatrice du patron de Moucron Commune, avec Marie Dessy en mode motivée. C'est le moment de remplir votre cuve à mazout. Le gasoil de chauffage diminue demain. Il diminue d'un peu plus de 3 centimes le litre. Donc ça vaut la peine. Par contre, si votre voiture a soif ces jours-ci et que vous passez la frontière, eh bien vous avez tout intérêt à faire le plein à l'étranger. La Belgique devient l'un des pays les plus chers d'Europe pour faire le plein de carburant. En Europe continentale, seuls les Pays-Bas, l'Italie et la Suisse, uniquement pour le diesel, sont plus chers que la Belgique. Il s'appelait Ramzi Mohamed Kadouri, il avait 15 ans et la vie devant lui. Cet habitant de Genk était en vacances dans son pays d'origine et il a eu un accident de quad. Il était plongé dans un coma artificiel et puis il est mort samedi. Dans son quartier, ses amis, ses voisins sont effondrés. Ramzi était un garçon apprécié. Depuis 24 heures, c'est carrément l'effroi. Les informations sur sa disparition, diffusées dans les journaux, sur les réseaux sociaux, ont suscité un tas de messages haineux, notamment sur la page de Facebook de la Ligue de Défense Flamande, la VVL. Des gens qui ne connaissaient pas ce jeune homme se sont réjouis de sa disparition avec des commentaires racistes, tellement graves que les hommes politiques flamands se sont insurgés sur une telle violence par clavier interposé. À Genk, Baptiste Tupin, on hésite entre la tristesse et l'émotion. Dans le quartier de Winterslach, ce jeune garçon qui fait la une des médias, c'est avant tout Ramzi, un adolescent très actif dans les associations locales. Les gens qui le connaissent en parlent sans problème, mais pas question de l'évoquer devant notre micro. Ici, les proches veulent entamer un deuil qui n'aurait jamais dû être médiatisé. Le bourgmestre de Genk, Wim Dries, retient d'abord les marques de soutien. À Genk, il y a naturellement un grand sentiment de compassion avec ce décès d'un jeune d'ici. D'un autre côté, on voit aussi une grande indignation face à la récupération raciste des derniers jours autour de la mort de Ramzi. La maison de quartier, le club de foot, la mosquée que fréquente sa famille, tous sont partagés entre tristesse et incompréhension. Le bourgmestre de Genk veut répondre à la haine de façon positive. Montrons que notre société peut vivre ensemble. C'est ce que défend Genk, une communauté multiculturelle. Plus de la moitié des habitants de Genk ont une origine étrangère. Montrons que nous sommes unis et que nous vivons ensemble la souffrance de la famille. La ville de Genk attend le retour de la famille de l'adolescent, toujours au Maroc en ce moment, pour réfléchir à un éventuel hommage. Un reportage signé Baptiste Tupin et Jean-Marc Vierzé. Notez que la Ligue de Défense Flamande, d'où sont partis la plupart de ces messages haineux, risque de ne pas s'en sortir comme ça. Le parquet d'Anvers a annoncé qu'il y aurait des poursuites, d'autant que ce n'est pas la première fois que des propos racistes sont proférés sur la page Facebook de cette institution. 70 voitures vandalisées en une nuit, des voitures toutes garées sur le parking d'un hôtel proche de l'aéroport de Charleroi. Vitres brisées, coffres forcés, même pas pour voler, juste pour casser. Ces parkings sont pourtant protégés par des grillages et surveillés par vidéo aux entrées et sorties. La direction de l'hôtel se dit découragée. Elle regrette aussi l'image que ça donne de la région. Les propriétaires de véhicules, pour la plupart, sont des passagers de l'aéroport qui viennent passer une nuit à l'hôtel avant de prendre un avion et qui parfois laissent la voiture pour quelques jours sur le parking de l'hôtel. À l'étranger, les vols qui reprennent à l'aéroport de Dubaï. Ce matin, les autorités ont suspendu tous les départs, toutes les arrivées et elles ont carrément fermé l'aéroport après un accident à l'atterrissage d'un avion de la compagnie Emirates. Des flammes et de la fumée noire sortaient d'un appareil. Les 275 personnes à bord ont pu quitter l'avion saines et sauves, mais un secouriste est décédé pendant l'intervention. En sport, Rio entre en pleine effervescence. Les tout grands du sport arrivent en ce moment au Brésil pour les Jeux Olympiques. Oui, on ne sait pas pas encore qui portera le drapeau de la Belgique à la cérémonie d'ouverture vendredi soir, mais par contre, les Américains ont annoncé leur choix. Ce sera donc Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire olympique. Phelps, 22 médailles olympiques, 18 en or, vise encore les podiums cette année pour sa 5e participation. Et puis, il n'y a pas que des sportifs à Rio. 7 scientifiques belges de l'université de Gand se sont aussi envolés pour le Brésil. Ils vont travailler pour le laboratoire antidopage brésilien. Ils vont analyser plus de 6000 échantillons des participants aux Jeux Olympiques et aux Paralympiques. En football, Anderlecht a-t-elle des chances de participer à la Ligue des Champions ? Eh bien, on saura si les Mauves ont accès au barrage ce soir après le match retour des préliminaires contre Roscoff. À l'aller, les Mauves avaient décroché le partage 2-2. C'est donc jouable. Et Sofiane Hani, le milieu offensif des Mauves, est en forme. Il est bien entouré, donc il est à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Après, l'équipe, c'est vrai qu'ils m'ont très très bien accueilli ici. Il y a un très bon groupe, de très bons joueurs, donc c'est plus facile de jouer aux côtés de très bons joueurs. Après, c'est aussi pour ça qu'Anderlecht est venu me chercher pour être décisif. Ils ont vu que je l'ai été mes deux saisons en Belgique, donc ils ont fait le choix de venir me chercher. Et c'est à moi de leur rendre ça, d'être décisif le plus de fois possible. Ma position demande ça aussi sur le terrain, donc voilà. Après, tant que ça aide à l'équipe et ça nous aide à gagner des points, c'est le principal, c'est le plus important. Sofiane Hani à l'attaque ce soir contre Roscoff avec Pascal Chimet, à suivre en direct bien sûr ce soir sur Vivacité. Merci Manu pour ce journal. Vous avez encore quelque chose à nous dire ? J'avais une proposition à vous faire. Êtes-vous intéressé par une petite propriété sur la Riviera ? Vous me l'offrez ? C'est gentil. Elle est à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais. Elle est un petit peu chère peut-être. Combien ? 300 millions d'euros selon Surpresse. Ah oui. Et si elle part à ce prix-là, ce sera la transaction immobilière la plus chère de la Riviera sur la Côte d'Azur. Précisément donc Saint-Jean-Cap-Ferrat. La maison en question, tous les guides touristiques en parle si vous passez par là, on vous le dira, c'est la propriété que le roi Léopold II avait achetée pour sa favorite Blanche de la Croix. Mmh. Une petite description, ça vous dit ? Ah bah allons-y. Allez, 10 chambres, une salle des fêtes, un jardin d'hiver, une écurie, une piscine de 50 mètres creusée dans la roche, un jardin de 14 hectares, des serres chauffées, 20 000 espèces de plantes, le tout avec vue sur la Méditerranée. Elle est la propriété de la maison Campari. C'est pas mal, hein ? Mais je ne suis pas sûre que vous aurez les moyens, mais apparemment... Ah, je vous le dis, je ne les ai pas. Il y a des amateurs au Moyen-Orient, et peut-être en Amérique du Nord aussi. La déco a été refaite depuis, parce que sinon c'est vieillot. Je pense que ça a été un peu revu. D'accord, bah dans ce cas-là, on va peut-être s'y intéresser. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Il est l'heure de faire un point sur vos conditions de circulation. C'est le RTBF Mobile Info. Y a-t-il des soucis, Anne-Michel Blouberg ? Bonjour. Eh bien, bonjour Cyril. On a toujours les suites de cet accident sur le 42 stand de Bruxelles, à hauteur de Bruges. La bande de gauche est neutralisée en direction de Bruxelles. Toujours sur ce même tronçon, un petit peu plus loin, eh bien, c'est la zone de travaux qui pose des soucis. En direction donc, de Bruxelles, entre Merelbeek et Wetteren, vous perdez une dizaine de minutes. Et puis, dans l'autre sens, vers le littoral, le défile entre Alost et Melle, une trentaine de minutes perdu et des répercussions toujours sur la Nationale 9 entre Wetteren et Mel, soit sur 4 km dans lesquels vous perdez une trentaine de minutes. Du côté du ring de Bruxelles, coup d'œil sur vos temps de parcours en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard, vous pouvez rajouter une douzaine de minutes supplémentaires. Grand Bigard au titre, une vingtaine de minutes supplémentaires. Et en intérieur, au titre Grand Bigard, une dizaine de minutes supplémentaires pour les temps de parcours les plus longs. On a toujours un accident, du moins les suites sur la petite ceinture de Bruxelles dans le tunnel de la porte de Halle. La bande gauche est neutralisée en direction de la gare du Midi. Bien entendu, il y a des files et puis des ralentissements dans les travaux sur le ring 3 de Charleroi. Entre la Blanche-Borne et Hublin-Bu, il y a des files en direction de Gouy. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Allez, c'est parti comme tous les soirs. Pendant 2h, il y aura des cadeaux dans cette émission. On y revient dans un instant. Avant ça, un chiffre, 65 en 2014, 197 en 2015. Manu, est-ce que vous avez une idée de ce dont je suis en train de parler ? Alors, absolument pas. 65 en 2014, 197 en 2015. Les Pokémon. Eh bien, alors, il y en a plus que ça. C'est le nombre de constats d'adultère. Et il est en nette hausse, en augmentation chez nous. On s'intéresse dans un instant au boulot des détectives privés qui doivent justement constater ces adultères. Une question concernant les JO, que se passe Bastille au JO de Rio. Catastrophe pour les épreuves de tennis. 10 des 20 meilleurs joueurs seront absents sur les cours de tennis. Alors certains sont blessés, mais le sont-ils tous? Est-ce que Zika n'y serait pas pour quelque chose? Au moment où ils doivent s'assurer d'être en forme, ces joueurs de tennis, pour les prochaines compétitions, un expert sera avec nous tout à l'heure pour nous éclairer sur ce nombre quand même assez important de forfaits. Vous avez peut-être reçu des éco-chèques là, il n'y a pas très longtemps, et vous ne savez pas trop quoi en faire. On se demande parfois ce qu'on a le droit d'acheter avec ça. On arrive à la caisse, on lui dit non, mais tel produit vous pouvez pas, mais tel produit vous pouvez, c'est un peu compliqué. Et bien si vous les utilisiez pour profiter d'un week-end à l'hôtel, ces éco-chèques, c'est possible, c'est pas le truc auquel on pense habituellement, et on vous dit tout ce soir dans 5 à 7, comment faire pour les utiliser, la réponse dans quelques minutes. À propos d'hôtel, je vous dévoile ce soir dans le 5 à 7 le top 5 des objets les plus sales à l'hôtel. Alors si vous avez des idées sur ce qui peut être vraiment dégueulasse, répugnant dans un hôtel, vous me dites ça par SMS au 3063. On en parle aussi sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Et peut-être que vous avez la bonne réponse. Peut-être que vous visez juste. On fera un point sur vos messages tout à l'heure quand je vous donnerai ce classement. Et puis des cadeaux, je vous le dirai, vous serez nos invités au Bruxelles Summer Festival et au labyrinthe de Barvaux sur Ourthe. C'est deux choses totalement différentes. Hein. Mélangez pas les artistes. Les artistes sont pas au labyrinthe. Et il n'y a pas de labyrinthe au Bruxelles Summer Festival. Et je vous dis comment gagner tout ça dans quelques minutes. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi sur le site du Grand Ornu pour une balade familiale dans le Borinage. De ce joyau, classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous filerons à travers les terris vers Colfontaine et l'écrin de verdure du château de Boussu. À l'arrivée, concert gratuit de Vianney. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Vivacité, la une présente... Une princesse! Une fée! Attention à la sorcière! Elle va nous empêcher de retrouver le dragon! C'est magique, le labyrinthe d'Urbui! Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barvaux d'Urbuis. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage d'Ewaï. Le Monde Sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Cool, c'est les vacances. C'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat. Pensez Seat-CHU. Garage Seat-CHU à Chesnay, au pied de la côte d'Hambourg. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat-CHU, le service en plus. Les 5, 6 et 7 août, ne manquez pas les festivités au Fort de Lantin avec un grand rassemblement de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale. Le week-end, visite du fort et du musée de la téléphonie. Le village des enfants, qui proposera de nombreuses activités telles que tir à l'arc, piste d'habileté, trampoline, balade à dos d'âne. Le samedi 6 à 22h, piano bar suivi du bal. Dimanche 7 à 14h, défilé de motos anciennes et des véhicules militaires. À 16h, concert de saxophone. Sur Vivacité. Là, c'est le moment dans ce 5 à 7 où si vous êtes en voiture, si vous êtes en couple, vous allez dire oh là là là là là là, cette histoire pue la discussion, pue les problèmes. 197 constats d'adultère en 2015, c'est un chiffre qui est en augmentation. En 2014, il y a eu 65 constats. Alors on parle pas de 197 personnes qui ont trompé leur conjoint ou leur conjointe, on parle des constats qui sont faits soit par des huissiers, soit par des détectives privés. Alors justement, on va en parler avec un détective privé, Jean-Paul Mainville, vous êtes gérant de la société liégeoise Forecast, et justement, c'est le genre de dossier que vous traitez. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Ça fait, c'est comme dans les films, ça fait rêver un peu, détective privé, non ? Un peu, oui. Mais sur le terrain, la situation n'est pas celle que l'on peut voir dans les émissions ou dans les différentes séries télévisées. Vous n'avez pas plein de gadgets et tout pour des trucs que personne ne voit nulle part à la James Bond, vous n'avez pas ça ? Non. On réagit dans un aspect légal. Alors, un petit mot justement sur ces constats d'adultère. Vous aussi, vous ressentez cette augmentation, cette demande, plus de vérification de savoir si monsieur ou madame va tromper ? En fait, il y a toute une stratégie qui a été mise en place par rapport à la prise de position au niveau des tribunaux, parce que c'est vrai que l'adultère n'est plus, depuis les années 80, une infraction pénale, mais elle reste quand même importante au niveau des enjeux civils. C'est-à-dire qu'effectivement, si on constate un adultère, derrière, il y a un gain plus facile, ou en tout cas des indemnisations qu'on peut demander. Et donc, dans ce cadre-là, vous êtes appelé par des personnes qui veulent vérifier si leur conjoint ou leur conjointe, leur mari, leur femme, les trompe ou pas. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas ? Vous pouvez rentrer et prendre une photo dans le lit ? Ah non. Là, on est toujours, on doit toujours respecter tous les enjeux au niveau législatif, qui sont le respect de la vie privée, naturellement. Ouais. Donc, on est dans une stratégie qui en fait est engagée tout au début par rapport à une convention qui est signée avec le client ou la cliente. Et puis, on essaye de réunir le maximum d'informations. On fait naturellement des constatations dans le cadre de filature, etc. On récolte un maximum d'informations et de renseignements. Et puis, s'il y a éventuellement une prise d'adultère qui peut être faite, là, naturellement, on rentre en contact avec l'avocat, la plupart du temps du demandeur ou de la demandeuse, et l'avocat introduit une requête auprès du tribunal de la famille pour obtenir une ordonnance qui, d'un aspect légal, va permettre à un huissier de pénétrer sur les lieux où éventuellement l'adultère a lieu. Mais alors, il va faire quoi cet huissier ? Il doit arriver juste au bon moment ? Ah, il doit arriver au bon moment, d'où l'importance pour le détective de mettre en place une stratégie qui permet au huissier de réaliser un constat d'adultère positif, de ne pas se faire surprendre par la disparition d'un des deux partenaires. Et c'est vrai que par rapport à ça, on ne peut pas intervenir, on doit simplement mettre les choses en place par rapport au constat d'huissier qui est régi par la loi, naturellement. Mais on est dans un film, on est dans une série avec cette histoire-là. C'est-à-dire que vous devez prendre en filature des gens, vous allez vérifier si monsieur va effectivement à la salle de sport ou à la salle de sport, ou s'il réalise autre chose comme rencontre. À ce moment-là, naturellement, c'est toute une question de récolte, comme je l'ai dit, d'informations et de recroisement d'informations, pour ne pas mettre en jeu, naturellement, la crédibilité de quelqu'un. Et c'est sûr que le moment du constat d'huissier est très important, parce que les tribunaux, comme je vous l'ai dit, tiennent quand même compte que maintenant, la prise en adultère est toujours interprétée, comme une faute. Donc, voilà, il faut réaliser correctement les choses et en respectant les prescriptions au niveau légal. Vous avez plus d'hommes ou de femmes qui vous appellent ? C'est très mitigé à ce niveau-là, parce que, comme je vous ai dit, ça dépend naturellement des enjeux de la séparation, qui sont souvent des enjeux au niveau financier, qui découlent naturellement du divorce. Donc là, c'est très mitigé. C'est très, très mitigé. Et je vais dire que on a peut-être une majorité de dames qui veut constater que le mari n'est pas très très fidèle. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a aussi des femmes qui sont infidèles, ce que j'entends. Tout à fait, tout à fait. On est dans un monde moderne. Elles nous font croire qu'il n'y a jamais rien. Voilà. C'est pas toujours ça. Jean-Paul, il y a une augmentation, donc forcément ça fait vos affaires. Est-ce que ça coûte cher de faire vérifier, de faire suivre quelqu'un comme ça ? Ben, c'est-à-dire qu'il y a plein de polémiques par rapport aux travaux des détectives. C'est vrai que tout un moment, quand c'était une infraction, ben, les détectives avaient naturellement, au niveau de leurs honoraires, des demandes que je considère excessive. Et au jour d'aujourd'hui, c'est tout calcul à avoir avec le client ou la cliente, des enjeux financiers. Je crois que ça ne sert à rien de s'engager dans des frais importants si les enjeux ne sont pas là. Donc ici, je vais dire qu'une prise d'adultère tourne toujours aux alentours, enfin un constat et un rapport de mission détective aux alentours de 1000 euros. Voilà. Donc c'est un petit budget à prévoir, mais effectivement, dans certains cas, ça peut être le coup. C'est les pas enjeux juste... sont importants. Voilà, si on a un petit doute et qu'il n'y a pas d'enjeu, on ne va pas s'embêter à faire ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut être raisonnable et ne pas engager de frais inutiles. Voilà, c'est les enjeux financiers. C'est un calcul que l'on fait naturellement avec nos clients directement et gratuitement dans un premier temps en disant, voilà, on analyse les éléments et on voit si c'est faisable ou pas et si vraiment il y a des éléments qui peuvent amener à croire qu'il y a un adultère naturellement. Jean-Paul, alors vous qui êtes un spécialiste, puisque vous êtes détective vous-même, est-ce que vous êtes hyper clean ou à l'inverse, vous connaissez toutes les astuces pour ne pas vous faire avoir ? Ça, il faut peut-être demander à mon épouse, mais bon... Ah bah c'est vous qui savez tellement... si vous faites des bêtises ou pas. On voit tellement de choses que c'est vrai qu'à la limite, c'est pour nous relativement intéressant de voir les bêtises des autres pour ne pas les faire. Mais voilà, mais je me détache un petit peu de cette considération. D'accord. Eh ben merci beaucoup pour toutes vos explications, Jean-Paul Mainville. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. C'est le moment de vous inviter au Brussels Summer Festival. Le 13 août, il y aura sur scène Louane. Elle sera pas toute seule, Louane. Il y aura Cœur de Pirate aussi. Au côté de Cœur de Pirate, également Lost Frequencies. Alors je vous parle du 13 août parce que ces artistes seront là ce soir-là et c'est le pass que je vous offre, c'est pour le 13 août. Vous allez pouvoir gagner ça maintenant en envoyant BSF, les trois lettres, par SMS au 6003 pour 75 centimes le message. Mais le festival va se dérouler du 5, donc de vendredi au 14 août. Et on va en parler tout de suite avec Denis Gérardi. Vous êtes directeur et programmateur du BSF. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir. Ça va, c'est pas trop la course, là, quelques jours du festival ? Non, ça va, on est dans les temps. On est dans les temps, malgré la météo qui n'était pas bonne pour les montages hier et aujourd'hui. Mais bon, on nous annonce une grosse amélioration pour le week-end, comme vous le savez, probablement. Et surtout pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle. Il y en a de temps en temps. Voilà. Il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup d'artistes. La liste est super longue, hein ? Elle est super longue, il y a à peu près 80 artistes durant les 10 jours. Oui, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges également. On parle beaucoup de vous aujourd'hui dans l'actualité concernant la sécurité. Alors, on sait que chaque événement où il y a du monde en ce moment est plus contrôlé, mais on peut quand même venir de façon détendue à Bruxelles. Ouais. On a beaucoup parlé de la peur à Bruxelles. Tout est prévu pour que ça se passe bien, Denis. Mais bien sûr. Je veux dire que nous travaillons au centre-ville depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, nous sommes soumis à des conditions de sécurité qui sont particulièrement strictes. On a simplement cette année renforcé la sécurité en fonction de la situation du niveau 3. Mais avant tout, le BSF reste un événement convivial. Ce n'est pas un bunker. On ne va pas se transformer en fort. Ça reste détendu. On va vraiment maintenir un festival extrêmement détendu pour tous. Est-ce qu'il reste encore des places, des passes disponibles il faut prendre concert par concert maintenant ? Alors des passes 10 day, il n'en reste pratiquement plus. Il faut se dépêcher. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, il faut se dépêcher. C'est sûr qu'on en remet toujours un peu en vente lors du festival pour éviter le marché noir. Ouais. Mais là, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'en reste vraiment plus que quelques centaines sur les milliers qui ont déjà trouvé acquéreur. Et puis après, comme chaque année, il reste des places jour par jour. Donc on n'hésite pas à venir faire un tour sur le site bsf.be et à vous rendre visite sur place du 5, donc de vendredi jusqu'au 14 août. Merci beaucoup Denis et merci d'inviter les auditeurs de Vivacité. Je rappelle qu'on a un pass pour le 13 août à offrir. Il faut vous inscrire maintenant, vous envoyez BSF au 6003 pour 75 centimes le message. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Ce vendredi, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous partez à la mer en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info vous guident sur la route des vacances. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Du 5 au 21 août, vibrez avec nous au rythme des Jeux. Tous les matins, nos envoyés spéciaux vous réveillent depuis Rio. Retrouvez l'essentiel de l'info sportive dans le 6-8 sur la 1, le 8-9 et nos journaux des sports. Et à tout moment, les performances de nos athlètes, les records et les médailles. Les JO de Rio 2016. C'est sur Vivacité. Bien manger, c'est déjà gagné. Avec Deleuze, partenaire officiel de l'équipe belge. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec l'ADEPS et la Loterie Nationale. Vivacité présente la Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Le climat toujours plus chaud, les scientifiques sont formels, la planète chauffe. Comme elle n'a jamais chauffé, 2015 était une année record, début 2016 aussi. Pas spécialement mesurable en ce moment, chez nous où l'été n'est pas bien chaud, mais ailleurs on parle bien de sécheresse et des incendies de forêts dévastateurs. Pas seulement au Canada, en Australie ou en Californie, le sud de la France est particulièrement inquiet pour les jours qui viennent. Des militaires belges rappelés à l'ordre, 4 militaires au total suspecté de faire partie des soldats d'Odin, un groupuscule international militant d'extrême droite, milice d'autodéfense d'origine finlandaise. Ce groupe se présente également comme défenseur des valeurs occidentales contre l'islam. Une chasse aux Pokémon à Bruxelles aujourd'hui, mais on ne peut pas vraiment parler d'un succès de foule. Une cinquantaine de participants, grand max, c'est moins qu'à Namur et à Mons il y a quelques jours. Mais l'idée n'était pas vraiment de chasser le Pokémon. Les autorités régionales voulaient surtout prévenir que le Wi-Fi est accessible dans plusieurs espaces publics, ce que les Bruxellois ne savent pas assez. La bonne nouvelle, c'est que le Wi-Fi sera aussi bientôt disponible dans le métro. L'arrêt Porte de Halle sera le premier à être équipé dès le mois de septembre. On en reparlera dans le journal de Justine Hermans à 18h. On évoquera aussi la soirée foot avec Anderlecht contre les Russes de Roscoff ce soir. Ah bah ça va être intéressant à suivre tout ça. Merci Manu. Et la météo a peut-être joué sur le fait que les chasseurs étaient à l'abri aujourd'hui. Je crois qu' ils ont dû être un petit peu refroidis. Il y a de ça. Et alors, il y a aussi une arnaque. Vous savez qu'il y a des gens qui trichent? Qui font des leurres. Il y a des gens qui trichent, qui jouent, qui chassent les Pokémon en étant derrière leur ordinateur bien au chaud. Il y a des logiciels qui permettent de tricher, de faire croire que vous êtes en extérieur. Donc il fallait bien se douter qu'on allait rapidement trouver le filon. Et je veux pas balancer, mais il y a des réalisateurs de Vivacité qui font ça. Oh là là, je ne dirai pas qui, bien. Mais il y a des gens qui trichent dans cette équipe. 17h33, un petit point sur la météo justement. Est-ce que vous chasserez le Pokémon sous la pluie? Eh bien en tout cas ce soir et cette nuit, les pluies vont perdre en intensité. Donc peut-être une petite sortie à faire. Le temps redeviendra sec sur les Flandres, mais ailleurs, on gardera de nombreux nuages et encore quelques ondées. Les minima iront de 13 à 16 degrés. Demain, la situation s'améliore un peu tout de même. Le ciel sera toujours nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse et une petite averse sera encore possible en Lorraine belge. Mais plus à l'ouest, même si les nuages resteront nombreux, on aura quelques éclaircies et un temps généralement sec. Globalement, donc, l'ambiance sera plus claire que ces deux derniers jours, ça c'est la bonne nouvelle. Et les températures resteront bloquées dans la même fourchette de 16 à 21 degrés. Et sur les routes, comment ça se passe? La réponse tout de suite dans le RTBF. RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Et un nouvel accident à déplorer sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Grasse-Sologne. Bande gauche neutralisée, circulation ralentie en direction de Mons. Suite de l'accident sur le 42 stand Bruxelles à hauteur de Bruges. Bande gauche neutralisée un petit peu plus loin. Et bien dans ce chantier, vous ralentissez toujours vers Bruxelles entre Merelbeek et Wetteren. Vous perdez une dizaine de minutes. Et dans l'autre sens, vers au stand entre Alost et Mel, une trentaine de minutes supplémentaires à compter. Et des répercussions toujours sur la Nationale 9 entre Wetteren et Mel, dans lesquelles vous perdez une trentaine de minutes du côté du ring de Bruxelles. Vous pouvez rajouter une trentaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure Grand Bigard au titre pour le temps de parcours le plus long. Accident toujours du moins des suites sur la petite ceinture de Bruxelles dans le tunnel Porte de Halle. La bande gauche est neutralisée en direction de la gare du Midi avec à la clé toujours des files. On a une chaussée inondée sur le ring 9 de Charleroi dans le tunnel Guerneau et des files importantes sur la Nationale 90 depuis Gilly. La bretelle venant de Namur vers le ring 9 est toujours fermée à la circulation. Les travaux ralentissent toujours sur le ring 3 de Charleroi entre la Blanche Borne et Hublinbu. Il y a des files en direction de Glouy et puis des arbres sont tombés sur la voirie. C'est le cas sur la Nationale 238 Louvain-la-Neuve Wavre à hauteur de Tigny. La bande droite est encombrée en direction de Wavre. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h. 5 à 7 sur Vivacité. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire, là, pour repartir avec vos passes, vos deux invitations, pour aller au Brussels Summer Festival le 13 août, pour aller applaudir entre autres Luan, Cœur de Pirate, Lost Frequencies, Julian Peretta qui sera là aussi. Vous inscrivez maintenant, vous envoyez BSF, les trois lettres, par SMS au 60-03 pour 75 centimes. Le message, je vous souhaite bonne chance. On va s'intéresser au JO de Rio dans un instant, avec un problème au niveau des tennismen. 10 joueurs sur 20 du top mondial sont forfaits, ils sont blessés. Alors, c'est la discipline la plus touchés hein, par des forfaits. Est-ce qu'ils sont réellement tous blessés ou est-ce qu'il n'y a pas une petite peur du Zika? On va y revenir dans un instant parce qu'on sait que le golf est concerné. Par exemple, un des meilleurs joueurs a décidé de ne pas y aller simplement par peur du moustique et du virus Zika. Donc on revient sur cette question dans quelques secondes sur Vivacité. Je vous dévoilerai le classement du top 5 des objets les plus sales dans les hôtels. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est vraiment dégueulasse, dégoûtant dans un hôtel? Vous me le dites par SMS au 3063 et correction de vos réponses dans deux petites minutes. À propos d'hôtel, là où c'est propre, hein, vous allez pouvoir partir en week-end, pourquoi pas, vous détendre un petit peu et payer avec vos éco-chèques. On a toujours l'impression qu'on doit acheter des produits en particulier avec ces chèques que vous recevez si vous êtes employé. Eh bien, vous pouvez payer une nuit d'hôtel. On verra pourquoi, comment et où dans quelques minutes sur Vivacité. Le cactus de Jérôme de Warzé aussi. Et voilà, plein de choses qui arrivent dans ce 5 à 7. Mais c'est juste après une toute petite pause. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Proximus présente... Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, bah, facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football, balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein. Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Moi, j'aime les melons plein de soleil. Oh, ben vous allez adorer nos bons melons, alors. Un petit. Oh oui, monsieur Marc. Mmh. Non, le melon, en entrée ou en dessert, c'est tellement bon. Oui, ben à ce prix-là, on peut en manger en entrée et en dessert. Évidemment. Voilà. Mmh, c'est bon. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le deuxième melon Galia est à moitié prix. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Soir Mag. Soir Mag propose « Je commence à lire avec Martine », une collection de 16 livres. Retrouvez chaque semaine deux titres qui permettront aux enfants de découvrir le monde des livres. Dès ce mercredi, les deux premiers numéros, Martine à la maison et Martine Babysitter, au prix de 6,30€ seulement avec votre magazine. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Vous revenez des vacances? Vous partez en vacances? Envie d'acheter une caravane ou un motorhome? AJD Caravane et Motorhome à Neupré a pensé à vous. Découvrez les tout derniers modèles 2015 à prix fou. Et oui, c'est vous qui pouvez profiter de ces prix écrasés. Venez choisir votre plus beau modèle chez AJD Caravane et Motorhome. Attention, le stock est limité. AJD Caravane et Motorhome, route du Condreau à Neupré. Plus d'infos sur ajd.be. La bijouterie Lennertz à Spa vous reçoit dans un monde de rêves. Un vaste choix en bijoux en or 18 carats et en argent, ainsi qu'en montres haut de gamme, telles que Pékinet et Armani. La bijouterie Lennertz effectue sur place vos réparations et transformations. Le commerce autrement, localisy.com. Localisy.com. Bon, comme on le disait il y a quelques minutes, le week-end sera plus beau, il sera meilleur. Vous allez pouvoir profiter de différentes activités. Entre autres, vous le savez, il y a le beau vélo de Ravel ici avec Vivacité. Vous allez pouvoir aller faire du vélo 32 km autour de la région de Boussu. Ça va être bien, ça va être sympa. Si vous voulez rejoindre toute l'équipe et applaudir aussi lors du showcase gratuit Vianney, Mister Cover et Arona, ben vous pouvez déjà vous inscrire maintenant pour ce beau vélo de Ravel. Il suffit d'aller sur le site de Vivacité, vivacité.be. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Que se passe-t-il aux Jeux Olympiques de Rio? En tennis, c'est une catastrophe. Sur 20 joueurs du top mondial qui devaient se rendre à Rio, 10 annulent, ne vont pas, ils sont blessés, ils déclarent forfait. Alors, est-ce qu'ils sont tous blessés? Est-ce qu'il n'y a pas une petite peur de Zika derrière tout ça? On va se poser la question avec Philippe Dehas. Vous êtes consultant tennis pour la RTBF, on a l'habitude de vous entendre lors des matchs. Et vous me faites le plaisir d'être cet après-midi dans le 5 à 7. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes puni, vous ne pouvez pas être à Rio? J'ai malheureusement pas de joueurs à coacher qui pourraient être à Rio, donc là je n'y suis pas malheureusement, non. Bon, ben, en tout cas ça vous permet d'être au téléphone cet après-midi dans le 5 à 7. Qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs? Donc on a énormément de joueurs importants, des bons joueurs qui ne se rendent pas à Rio, ils sont tous blessés? Alors pour comprendre un peu le phénomène, il faut comprendre la densité du calendrier d'un joueur de tennis professionnel. Il faut savoir qu'un joueur qui est dans le top 30 mondial, il a l'obligation de jouer certaines compétitions. Et je vais très rapidement balayer le calendrier pour juste se rendre compte qu'un joueur qui est classé dans les 30 meilleurs joueurs du monde, il a joué depuis le mois de janvier au moins deux tournois en Australie et le premier grand chelem de la saison. En février, il était à Rio ou à Dubaï. En mars, deux tournois obligatoires, Indian Wells, Miami. En avril, Monte Carlo obligatoire. En mai, Madrid, Rome et Roland-Garros. En juin, les tournois sur gazon pour préparer Wimbledon. En juillet, Toronto obligatoire. Et en août, Cincinnati et l'US Open qui arrive, qui est le dernier grand chelem de la saison. C'est intense. Donc c'est très intense, c'est très lourd. Les joueurs ont l'obligation de jouer ces compétitions. Et les Jeux Olympiques arrivent comme un tournoi dans le calendrier. Donc le virus, peut-être pour certains, mais je pense qu'il y a un réel problème, et ça fait des années que les joueurs se plaignent de ça, de l'intensité. Des calendriers et des compétitions qui sont imposées aux joueurs de tennis professionnels. Et c'est à regret parce qu'ils voudraient participer aux JO, pour eux c'est moins important que toutes les autres compétitions? Alors voilà, pour moi ça c'est le deuxième point sur lequel on est en droit de se poser la question. C'est évidemment l'esprit olympique. Est-ce que les joueurs de tennis, et les golfeurs aussi, hein, parce que le constat est le même en golf, il y a à peine 10 joueurs des 30 meilleurs joueurs au monde en golf qui vont participer à la compétition. Ouais. Le tennis comme le golf sont des sports qui sont guidés par l'argent et pas par l'esprit olympique. Et donc effectivement, derrière la densité du calendrier, il y a aussi peut-être pas toujours la motivation que certains autres athlètes peuvent afficher. Alors vu les participants qui restent, est-ce que tout n'est pas un peu joué d'avance pour ces JO? Oui, probablement. En tous les cas, quand on sait qu'il y en a 9 des 10 qui ne sont pas là, ça va laisser la place à d'autres. Et on pense évidemment à David Goffin, qui pourrait très très bien, puisqu'il va se retrouver tête de série, qui pourrait certainement monter sur le podium, incontestablement. Donc ça, c'est un mal pour un bien, évidemment. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, et on est quand même toujours en droit de se demander mais pourquoi ces athlètes ne pointent pas dans leur programmation les Jeux Olympiques comme une priorité absolue, parce que ça reste quand même une compétition à part. Bah ça c'est une énorme, c'est une belle image quand même. En plus on représente un pays, c'est bizarre qu'ils soient pas plus motivés à le faire. Après si le reste est obligatoire, ça les coince aussi un petit peu. Les autres tournois veulent pas décaler un peu? Alors c'est, comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est l'argent est le maître mot dans tout ça. Les compétitions, elles fonctionnent avec des droits télé, elles fonctionnent avec du ticketing, etc. Et elles veulent gagner de l'argent. Donc c'est un monde de business, ça c'est égoïste. Chacun prêche pour sa chapelle. Chaque tournoi organisateur veut ramener les meilleurs joueurs. Ouais. Et qu'il y ait Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques, ça ne va pas changer vraiment la donne. Non, il faut que les années olympiques, parce qu'on n'a pas parlé de la Coupe Davis aussi, qui est souvent un problème. Hein. On voit que les meilleurs joueurs du monde ne jouent pas toujours la Coupe Davis non plus. Alors ça n'a pas évidemment l'intensité des Jeux Olympiques. Mais ça, oui, oui, sur ce tronçon Liège-Mons. Excusez-nous, on a eu un petit souci de liaison avec le Centre Perex qui s'invitait dans le 5 à 7. Mais voilà, on vous écoute pour la suite. Oui, donc je disais que j'ai perdu le fil maintenant. L'argent était vraiment fort présent et que même sur la Coupe Davis, les plus grands joueurs ne pouvaient pas la jouer, n'avaient pas l'occasion. Oui, pas l'occasion ou pas l'envie pour des raisons financières et pour des raisons de calendrier. Eh ben merci pour vos éclaircissements sur cette histoire. Ça ne nous empêchera pas quand même de suivre le tennis aux Jeux Olympiques. Merci Philippe Dehaze, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt sur nos antennes. Très belle soirée à vous, merci beaucoup. Au revoir. On en vient au top 5 des objets les plus sales dans les hôtels. Il y a une étude qui a été faite et qui va nous donner, je vais vous dire dans un instant, ce qui est vraiment dégoûtant dans un hôtel. Je vous ai demandé de me dire au 3063 par SMS si vous aviez des idées. On va tout de suite aller au standard, retrouver Bérangère qui est à Arlon. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Cyril. Ah, vous n'êtes pas toute seule, il y a des petites voix derrière vous Bérangère. Ah, oui, il y a ma petite puce qui m'accompagnait aux courses. Comment elle s'appelle ? Alice. Eh ben, on fait des bisous à Alice. Bérangère, voilà. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus sale dans un hôtel ? Ah ben moi, je vous avais envoyé par SMS qu'à mon avis, c'était les couvre-lits. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas nettoyés, les couvre-lits ? Ah non, je ne pense pas, non. Eh ben, figurez-vous que même si vous avez raison, c'est même pas dans le classement. Vous imaginez ? Ah bon ? Ah ouais. Oui, j'imagine. Alors, ce doivent être les cinq autres. Vous allez dégoûter dans un instant. Il y a par exemple quelqu'un qui nous parle de la moquette. Vous savez que la moquette n'est pas non plus dans le classement. Il y a un message de Dominique de Mont-de-Lenclus qui dit « La chose la plus sale, c'est les siphons des lavabos et des douches. » Alors, c'est vrai que ça pourrait, mais ce n'est pas ça non plus. Alors, restez bien là, Bérangère, je vais vous donner le top tout de suite. En numéro très impatiente. je vous dis ça tout de suite, par exemple, en numéro 5. Tip Top, numéro 5. Ouais, c'est une nouvelle émission que vous allez retrouver bientôt, le Tip Top des objets les plus sales dans un hôtel. Il y a le téléphone, Bérangère, vous vous rendez compte, le téléphone, faut pas toucher. Alors je sais pas si vous utilisez encore de temps en temps des téléphones dans les hôtels, Bérangère. Rarement, peut-être éventuellement pour appeler la réception ou quoi. Mais... Ah oui, c'est vrai, il y a le côté réception. Hein? Et ben là, pensez à bien le frotter, une petite lingette avec vous, faut frotter. Numéro 4. Tip Top, numéro 4. Toujours dans le Tip Top des objets les plus sales à l'hôtel, il y a les verres et les tasses. Apparemment, les verres, vous savez, souvent c'est des gobelets jetables, mais il y a des verres en dur, en vrai verre. Et bien ceux-là, il ne faut pas les utiliser. Parce que certains services de ménage ne feraient que les rincer et pas les laver correctement. Ah, comme vous dites, c'est dégueulasse. Hein. Alors vous me parliez du couvre-lit. Ben, on n'est pas loin avec le numéro 3. Tip Top, numéro 3. En numéro 3, on a la couette. Ah ben, comme vous dites, la couette. Et alors, il y a une étude qui a été faite, une enquête qui a été menée par CNN. Vous savez que dans certains établissements, elles ne sont changées que 4 fois par an et parfois même pas du tout. Vous imaginez ça en allant à l'hôtel ? Ah non, pas du tout. C'est dégoûtant, hein ? Oui, c'est dégoûtant. Eh ben, on n'est pas encore au pire. On avance dans le classement. Tip Top, numéro 2. Vous regardez parfois la télé à l'hôtel, Bérangère ? Ça m'arrive, oui. Bah vous ne toucherez plus la télécommande. Non, parce que je ne la toucherai plus. Et la télécommande, elle est souvent infestée avec E. coli et d'autres bactéries qui peuvent être dangereuses parce qu'elles sont souvent pas nettoyées, tout simplement. Elles sont un peu frottées, mais pas désinfectées, alors que forcément, il y a beaucoup de mains qui passent par là. C'est pas très agréable. Je vais vous donner le numéro 1 et je vais accueillir Gérard aussi qui est avec moi. Bonsoir Gérard. Gérard, il est pas là, il est pas au téléphone. Alors Bérangère, en numéro 1, est-ce que vous avez une autre idée que tout à l'heure le couvre-lit ? Non, j'avais aussi pensé au téléphone parce que je sais que c'est t'as un véhicule de microbes aussi, mais je vous avoue que là, je suis un peu perdue. On en a déjà cité pas mal, donc non, je ne sais pas. Je vous donne le numéro 1 et je vous assure que plus jamais vous ne dormirez de la même façon à l'hôtel. Tip top numéro 1. L'objet le plus sale dans les hôtels, selon une enquête qui a été menée par le magazine Today, c'est la taie d'oreiller. Oh, comme vous dites, Bérangère. Alors, ce serait simplement parfois pas lavé. Juste à peine, vous savez, dépoussiéré. On tapote un peu l'oreiller, on le remet. S'il est propre d'apparence, eh ben, certains hôtels le font comme ça. Vous imaginez ça ? Non, je n'imaginais pas. Eh ben, je n'irai plus à l'hôtel. C'est hallucinant. Alors, voilà. C'est un classement qui mélange les hôtels du monde entier. Je ne sais pas si en Belgique c'est comme ça ou quand on va à l'hôtel en France, quand on a les destinations les préférées par les Belges. Je ne sais pas si ça concerne ces hôtels-là, mais en tout cas, voilà, si on fait le tour du monde, voilà, c'est les thés d'oreiller qui sont les plus sales à l'hôtel. Vous ferez attention, vous mettrez un petit bonnet ou vous prendrez votre oreiller la prochaine fois que vous allez à l'hôtel, alors, Bérangère. Voilà, j'irai en combinaison intégrale pour me coucher dans le lit de prochain hôtel que je fréquenterai. Eh ben, si vous faites ça, vous m'envoyez une photo. Bérangère, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée à Arlon. C'est gentil. À bientôt. Au revoir. 17h49, on va prendre la direction d'un hôtel d'ailleurs à Bruxelles dans un instant. J'espère que cet hôtel n'est pas dans le classement. Vous allez pouvoir y séjourner en payant avec des éco-chèques. On se demande souvent quoi faire avec ces petits bouts de papier. Eh ben, vous allez trouver une solution maintenant, passer pourquoi pas un week-end sympa. Je vous dis tout juste après ça. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La 2, en télé. Ruben est resté jeune. C'est en compagnie d'amis humoristes qu'il présente son dernier spectacle. Moi, je roule en 4x4, je nique la couche d'ozone. Mais à côté de ça, je consomme bio. Ruben fête ses 25 ans sur scène ce jeudi soir sur la 2. Vivacité vous invite à l'avant-première de Jason Bourne. Bon sang, c'est Jason Bourne. Matt Damon revient dans un trailer à couper le souffle. Il faut l'éliminer. Pour y assister le 8 août à Bruxelles et Mons, 0905 56 475. 50 cents par appel. La prochaine balle est pour vous. Sur Vivacité. Dans quelques secondes, le cactus de Jérôme de Warzé. Et juste avant, ce bon plan. Vous avez peut-être des éco-chèques à la maison et vous vous dites, ça s'accumule, toute la famille en a. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces éco-chèques? Alors oui, on peut acheter du produit d'entretien, on peut acheter certains meubles peut-être pour le jardin, mais globalement, on peut pas acheter ce qu'on veut avec ça. Eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous offrir un week-end bien sympathique puisqu'il est maintenant possible de payer votre nuit à l'hôtel avec des éco-chèques. On va en parler avec Alain Van Bist. Vous êtes directeur du Ton Hotel Stéphanie à Bruxelles. Bonsoir Alain. Bonsoir, l'hôtel Bristol Stéphanie. L'hôtel Bristol Stéphanie, pardon, j'étais pas complet. Voilà. Alain, c'est une bonne nouvelle ça de pouvoir payer avec les écochés. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce qu'on puisse faire ça? Ben, ça fait depuis quelques mois en fait qu'ils se sont posé la question. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent la question en disant voilà, on est un peu limité, on peut aller sur du vin bio, on peut aller sur du terreau, des vélos. Et à un moment donné, ben, il y a des personnes qui ont dit ok, pourquoi pas passer les hôtels sur un certificat de clé verte. Et en l'occurrence, on l'a eu il y a une petite année. Et donc on a dit voilà, pourquoi ne pas accepter des clients avec des chèques, des éco-chèques. Et faire profiter justement ses clients sur un séjour dans un de nos hôtels. Donc on a un groupe norvégien, on a 1500 chambres sur Bruxelles, et sur le Bristol Stéphanie, on est avec notre certificat clé verte. Et donc ça veut dire que vous avez dû adapter certaines choses pour être un hôtel vert ? Tout à fait, on a dû adapter certaines choses, on a dû travailler sur la gestion de l'énergie, on a dû changer toutes les ampoules sur des lampes économiques, travailler sur l'isolation thermique, donc changer tous les châssis, ainsi de suite, travailler avec des fournisseurs plus belges, locaux, voire à trouver en fait des contrats où on travaille avec du commerce équitable, et ainsi de suite. Ah bah donc voilà, ça c'est vraiment un bon plan maintenant. Non seulement vous avez adapté ce qu'il faut pour moins polluer, pour avoir moins d'impact sur la planète, et en plus on peut profiter de ces fameux éco-chèques qui ont tendance parfois à s'accumuler, on ne sait pas comment les dépenser. Et donc vous êtes un des hôtels qui permet de le faire. Ça fonctionne tout le temps, il n'y a pas de restriction de durée, enfin il n'y a pas des périodes de l'année où on ne peut pas payer. On vient chez vous, par exemple cet été, on veut profiter d'un petit week-end à Bruxelles pour relancer un peu la vie dans notre capitale, on peut. Tout à fait, il n'y a pas de restriction. Vos auditeurs sont les bienvenus et je les invite en fait sur Bruxelles. On a bientôt le tapis des fleurs à la Grand Place. Ah oui, dans quelques jours là, oui. Voilà, on a le Brussels Summer Festival, donc pourquoi pas combiner le séjour avec une de ces festivités et profiter des éco-chèques et venir chez nous, quoi. Eh ben merci beaucoup Alain Van Binst pour ce bon plan. Je rappelle que vous êtes donc directeur du Tone Hotel Bristol Stéphanie à Bruxelles. Je vous souhaite une excellente soirée et bon BSF à vous puisque ça démarre dans quelques jours. Il y aura un peu de boulot voilà. Du coup. À bientôt. Un grand merci. Au revoir. 17h54, voici tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. On va rigoler comme tous les jours dans l'émission. Jérôme, dans l'immédiat, 8h21, le cactus, et la nouvelle est tombée comme un couperet. Michel Drucker arrête vivement dimanche. Oui, mais avant toute chose, aujourd'hui, 11 mars 2016, 5e anniversaire de la catastrophe de Fukushima et journée mondiale de la plomberie. L'occasion de nous recueillir et de prier pour nos centrales nucléaires qui auraient bien besoin d'un petit coup de douce quand même de temps en temps. Fuite, fissure et vieillerie toujours, Michel Drucker l'a annoncé hier. Fallait trouver une transition. Vivement dimanche s'arrête l'après-midi sur France 2, victime expiatoire de la nouvelle politique du service public français. Alors, je voudrais... Vous allez vite comprendre l'absurdité de ma démarche sur cette chaîne qui a vivacité. Je voudrais ce matin m'adresser aux jeunes. Oui, Benjamin, avec vous, les auditeurs parlent à un mur. Eh bien, moi, je parle dans le vide. Voilà. Alors, aux jeunes, donc, qui se seraient trompés de chaîne et leur dire toute mon admiration pour Michel Drucker, tant et si bien qu'il incarne une ère à jamais dorée. Je me souviens de l'époque bénie de Champs-Élysées. Dans les années 80, j'avais 12 ou 13 ans. Lui en avait 87 ou 88. Et j'apprenais l'anglais avec Serge Gainsbourg et Whitney Houston. Ah oui, bah oui, bah oui. Avec cette façon unique qu'il avait de s'adresser aux dames et quand, fier comme un pan, j'ai ressorti sa formule à ma grand-mère belgo-anglaise lors d'un dîner, ça a fait son effet quand même. C'était là, I want to fuck you. Alors, les jeunes qui vous repaissez d'Hanouna ou d'Arthur, sachez que le remettra tout ce nom Michel Drucker qui, pour vous situer les débuts, reçut sur son divan le maréchal Ney après la déroute de Waterloo en 1815. J'entends déjà des jeunes qui viennent ricaner en me disant Waterloo, c'est pas 1815, c'est 1410 le code postal, mais bon. Mais non. Allez, vendre vos organes, vous augmenterez votre valeur marchande. Oui, Michel Drucker, qui, on le sait moins, passa par la Belgique jadis. Et quand il y rencontra Jacques Mercier, ce dernier avait des cheveux. Nous défions donc ici toutes les lois de l'espace-temps. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'époque que j'évoque ici, époque qui ne s'inscrivait pas encore dans un cadre où la radio représentait un média, puisqu'elle n'avait pas encore été inventée. Michel Drucker a interviewé Lio en tant que chanteuse. Il fallait bien viser. Notez qu'avec Lio, apparemment, même si on tirait à côté... Enfin bon... Oui, non. Michel Drucker, car autour de cet homme se drape un nuage de mythes et de légendes, Michel Drucker aurait connu Claude Barzotti sobre. Enfin. Michel Drucker, attention, aurait rencontré Laurette Ankerlings alors que celle-ci n'était pas encore ministre. Donc, rendons-nous bien compte que nous sommes plus près de Léopold Ier que d'Albert II. Donc, plus fort encore, Michel Drucker aurait assisté au pilote de l'émission Télé-Tourisme. Nous ne parlons même pas ici de télé noir et blanc, hein, mais de superposition kaléidoscopique. Même si d'autres émissions télévisées émergeaient déjà dans le sérail des documentaires animaliers du dimanche soir sur la TBF, mais où Arlette Vincent était encore vierge. En plus, moi, je crois qu'elle l'était toujours. Non, mais j'ai compris, j'allais pas totalement l'assumer. Michel Drucker, quand il est arrivé à Bruxelles, Michel Drucker a vu le palais de justice sans échafaudage. Et quand il a traversé Molenbeek, on y parlait encore le bruxellois et on pouvait y voir Philippe Moreau coller des affiches. Je veux dire, c'est hallucinant comme c'est loin. Mais, et là, c'est l'un des rares points communs qu'il partage avec ses contemporains bruxellois, il n'avait pas pu, lui non plus à l'époque, emprunter les tunnels pour la bonne et simple raison qu'il n'avait pas encore été creusé. Donc les tunnels, hein, pas Michel Drucker ou Arlette Vincent. Bon, Michel Drucker... À l'époque, a été reçu par certains membres de notre famille royale. Il a connu Albert II encore fidèle. Donc, j'insiste, je pense que nous en arrêtons là. J'avais encore. Il a connu Annie Cordy qui faisait la une de lui. Ça suffit. Laissez-les. C'est bon. Mais enfin, vous ressuscitez des gens qu'on ne connaît même plus. Mais enfin. Le cactus de Jérôme de Warzé sera de retour demain dans le 5 à 7 et puis dans le 8-9 aussi. On va chez Axel tout de suite à Saint-Sauveur près de Tournai. Bonsoir Axel. Oui, bonsoir. Axel, vous avez envoyé un SMS tout à l'heure. Vous voulez participer à un festival, c'est ça? Oui, oui. Le Brussels Summer Festival, ça vous dit? Oui. Ouais, oui, super. Vous aimez quel artiste qui y est? Louane. Louane, eh ben elle y sera le 13 août. Je vous offre un passe pour cette date-là. Il y aura Louane et plein d'autres artistes. Votre passe pour le BSF, c'est gagné. Bonne soirée à vous. Super. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bière et fromage depuis 1876. Demain, la météo sera un peu meilleure qu'aujourd'hui. Toujours nuageux au sud du Sillon sans brémeuse et une petite averse encore possible en Lorraine belge, mais plus à l'ouest, même si les nuages resteront nombreux. On aura quelques éclaircies et un temps généralement sec. Les températures seront comprises entre 16 et 21 degrés. C'est l'occasion, pourquoi pas, de repartir avec des places pour aller au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Fera pas trop mauvais, on en profite. J'ai ça à vous offrir dans quelques minutes. Vous envoyez labyrinthe pour vous inscrire. C'est par SMS que ça se passe au 60-03 pour 75 centimes le message. Et vous irez vous balader dans ce labyrinthe près de Durbuy avec un thème cette année, princesse et dragon. Vous allez devoir sortir de ce champ de maïs et pouvoir découvrir toutes les histoires en même temps. Bonne chance. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Attrapez les tous, les Pokémon, le slogan commence à être connu. Aujourd'hui, à Bruxelles, une cinquantaine de chasseurs s'étaient réunis. C'est peu, mais c'était surtout l'occasion pour la région bruxelloise de promouvoir son Wi-Fi gratuit dans la capitale. Il débarquera bientôt dans les transports en commun. Un soldat inconnu qui ne porte plus très bien son nom a tourné. Le Britannique Walter Buckley a été identifié. Une cérémonie a eu lieu ce matin devant la stèle en présence des membres de sa famille venus d'Angleterre. Reportage dans ce journal. Ce soir, du football au programme. Anderlecht monte sur le terrain pour tenter de poursuivre l'aventure européenne. Les détails, c'est dans le journal des sports avec Jérôme Elguers. Le journal sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir. On n'a pas fini d'en parler, les Pokémon et le jeu Pokémon Go. Aujourd'hui, une nouvelle chasse aux petites créatures était organisée à Bruxelles. Une cinquantaine de personnes y ont participé. La région bruxelloise s'était associée à l'événement pour une raison bien particulière, pour attirer l'attention sur son réseau Wi-Fi gratuit. Elle va l'étendre à partir du mois de septembre, dans les transports en commun notamment. Le reportage d'Anne-Carole Severne et Jérôme Durand, ils se sont glissés parmi les joueurs fous de Pokémon. Dus welkom hier op de Pokéhunt 02. Et c'est parti pour deux heures d'une chasse qui a désormais ses habitués. Je viens de rater un gros tas de morve, mais sinon ça va. Et la chasse là, elle est bonne? On a déjà eu mieux. Le Pokémon, on peut le chasser sous la pluie. Je pensais qu'il allait pas avoir beaucoup de Pokémon vu le temps, mais bon, il y en a plein. Et pour une fois, les jeunes chasseurs ne doivent pas vider leur forfait 4G. Ils ont ici accès à un Wi-Fi gratuit. Et donc peut-être aussi en français, on a donc aujourd'hui un réseau de 54 endroits à Bruxelles. Sur les marches de la Bourse, c'est Bianca de Batz en personne qui fait la promotion d'Urbizone. La secrétaire d'État à la transition numérique et croit en ce réseau Internet gratuit de la région bruxelloise. Je veux absolument donner plus de visibilité parce qu'il y a encore beaucoup de Bruxellois, beaucoup d'inventeurs qui ne savent pas qu'il y a le Wi-Fi gratuit à Bruxelles. C'est cool qu'ils aient fait ça. Je ne savais pas. Je viens de l'apprendre aussi, mais c'est bien. Quand on joue par exemple maintenant à Pokémon, c'est un bon exemple, ça utilise beaucoup de 4G, c'est très cher, donc je pense que les réseaux Wi-Fi gratuits, c'est une bonne idée pour les gens. Enfin. Enfin, vous trouvez que Bruxelles a un peu de retard dans ce domaine-là? Oui, par rapport aux grandes villes comme New York ou Londres, oui. La couverture d'Urbizone reste encore très partielle. Une cinquantaine de lieux publics ou d'administrations bruxelloises sont équipés. Les deux premières stations de métro le seront à l'automne. La page Facebook de la Ligue de défense flamande n'est plus disponible. Cette ligue, c'est en fait un groupe d'extrême droite. Elle a fermé elle-même son compte Facebook. En fait, une plainte a été déposée à son encontre par UNIA, l'ex-Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, pour des propos haineux postés sur la page Facebook donc de cette ligue. Des propos négatifs, notamment après le décès de ce jeune flamand d'origine marocaine il y a quelques jours. La ligue de défense flamande va être poursuivie par le parquet d'Anvers. Cela a été confirmé aujourd'hui. À l'étranger, l'aéroport de Dubaï aux Émirats Arabes Unis est à nouveau opérationnel. Les vols reprennent depuis 16h30 environ, heure belge. L'aéroport a été à l'arrêt pendant plusieurs heures à la suite de l'accident d'un avion de la compagnie Emirates. Il a raté son atterrissage. L'avion a alors pris feu. 300 personnes étaient à bord de l'avion. Elles sont toutes saines et saufs, mais un secouriste a perdu la vie. Pour l'instant, la cause exacte de l'accident n'est pas connue. Une enquête est ouverte. Un Européen qui approuve le nettoyage en cours en Turquie depuis le coup d'État manqué, c'est rare et même exceptionnel. C'est pourtant ce que vient de faire le secrétaire général du Conseil de l'Europe, une institution dont la mission principale est la défense des droits de l'homme et de l'État de droit. En visite aujourd'hui à Ankara, le Norvégien Thor Bjørn Jagland a dénoncé une forme d'aveuglement de la part des Européens, Sandro Calderon. Thorbjørn Jagland est le premier responsable européen à apporter son soutien, un soutien nuancé mais un soutien quand même au régime turc qui s'est lancé, vous le savez, dans une vaste purge depuis le putsch manqué du 15 juillet. 10 000 personnes ont été détenues, 50 000 limogées. La répression touche de nombreux secteurs de la société turque, l'armée, la justice, l'éducation, la presse. Une réaction jugée démesurée et fort critiquée en Europe. L'avis du secrétaire général du Conseil de l'Europe est tout autre. Thorbjørn Jagland estime que les Européens n'ont pas pris la mesure des défis que cette tentative de coup d'État a créée pour les institutions démocratiques turques. Il juge, lui, qu'il est nécessaire de lutter contre ceux qui étaient à la manœuvre. Sans les nommer, il désigne les sympathisants de Fethullah Gulen, le prédicateur exilé aux États-Unis, ennemi numéro un du président Erdogan. Ce réseau secret a infiltré les institutions de l'État turc. Donc, bien sûr, nous voyons le besoin de nettoyer tout cela, a déclaré le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Mais il a ajouté qu'il était très important que ce nettoyage se fasse en conformité avec l'État de droit. Merci Sandro Calderon pour toutes ces précisions. Il était une énigme jusqu'à aujourd'hui, un soldat inconnu mort durant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, près d'un siècle après sa mort, il a pu être identifié grâce aux recherches du ministère britannique de la Défense. Walter Buckley est enterré dans le cimetière militaire allié de Tournai. Sa tombe a donc enfin pu être gravée à son nom. Une cérémonie a eu lieu ce matin devant la stèle en présence de membres de sa famille venus d'Angleterre. Guillaume Gilbert l'a suivi pour nous. Une pluie typiquement british tombe sur le cimetière du Sud à Tournai. Sous les parapluies, 13 membres de la famille du soldat Walter Buckley se retrouvent ici, près d'un siècle après sa mort. Parmi eux, son neveu, Raymond Buckley. Apparemment, il est mort le dernier jour de la guerre, le 11 novembre. Mais le gouvernement a décidé que personne n'était mort le dernier jour et qu'il était mort le jour d'avant, le 10. Mais je pense qu'il a été tué le dernier jour de la guerre. C'est vraiment pas de chance. D'abord inhumé comme soldat inconnu, Walter Buckley a pu être identifié par le ministère britannique de la Défense. Sue Raftree fait partie d'une équipe qui recherche les victimes de guerre britanniques. Nous avons fait des recherches avec nos historiens de la marine. Nous avons récolté toute une série d'informations, des informations venues de sources extérieures également, et nous avons eu le plaisir d'annoncer que c'était bien Walter. À la fin de la cérémonie, Raymond Buckley et sa sœur s'approchent de la tombe de leur oncle et dispersent un peu de terre. C'est de la terre que nous avons ramenée du lieu de naissance de Walter en Angleterre. Ma sœur la disperse ici pour mélanger les deux sols, le nôtre et le vôtre. Venu spécialement d'Angleterre, les neveux et nièces n'auraient raté pour rien au monde l'hommage rendu à cet oncle qu'ils n'ont pas connu. Je suis sûr que Walter nous regarde en ce moment et qu'il sourit. Vous vous y rendez peut-être pendant l'été au festival. La saison continue et un des prochains sur la liste, c'est Esperanza à Floref. Si vous souhaitez y aller, que vous n'avez pas encore de tickets, ne traînez plus, le festival est bientôt sold out. Il ne reste plus d'ailleurs que des tickets pour le vendredi. Je vois que le vendredi, il y a un DJ terrible qui sera là, il y a Backermat. Donc il faut se dépêcher si on veut des places. Ah oui, voilà, pour aller-vous ? Non, malheureusement. Vous faites quoi comme festival ? Ah, cet été, pas beaucoup, peut-être Seine-sur-Sambre. Ah, c'est pas mal aussi connaissent. Ça, oui, avec Vivacité, la Seine est enjambe la Sambre. Exactement. C'est pour ça qu'il s'appelle Seine-sur-Sambre. Exactement, c'est une Seine flottante sur la Sambre, c'est assez sympa. Ça vaut le coup, et quand il pleut, on est dans la boue, c'est ça aussi, qui fait aussi un vrai le charme des festivals. Merci Justine, dans un instant le journal des sports, tout de suite, un point RTBF Mobile Info avec Marjorie Bilot, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril, avec la communauté Coyote qui nous signale par contre un accident sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Grasse-Solonne. Au kilomètre 2 avec 3-4 km de ralentissement à partir de Loncin en direction de Mons sur le ring. Patience entre Wezenbeek-Oppem et Vilvorde vers Grand-Bigard et entre Anderlecht et Forêt vers Halle suite aux travaux. Donc ce sont vraiment les ralentissements principaux du ring. Toujours cette demi-heure supplémentaire à compter sur le 40 Bruxelles-Ostende à partir d'Herpemer suite aux travaux. Et puis aussi si vous allez direction Anvers, une demi-heure pratiquement perdue depuis Zemst sur le 19 vers Anvers. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. Bonsoir à tous, Anderlecht joue son avenir en Ligue des Champions à 20h45. Les Mauves reçoivent les vice-champions russes de Rostov. C'est le match retour du troisième tour préliminaire. À l'aller, le Sporting avait décroché un bon partage, 2-2. Il a donc l'avantage, mais l'adversaire est coriace, René Feiler, entraîneur anderlechtois. Oui, tout est ouvert, ça c'est clair. C'est une équipe qui est assez forte. Nous avons vu ça en russe, mais on a déjà su avant le match déjà. Ils ont terminé le championnat à deuxième rang. Ils sont physiquement très forts. Ils ont des balles arrêtées qui sont dangereuses. Je pense que ça va être de nouveau un match très serré. Et il faut aller à fond pour gagner ce match-là et pour passer. Des propos recueillis par Pascal Chimay. Pascal, que vous retrouverez aux commentaires du match ce soir sur Viva. L'équipe anderlechtoise alignée par René Weiler devrait être la suivante. Rouf au but, Apia, Demayo, Neutink et Nsakala en défense. Le triangle Dundonker, Defour, Tillemans dans l'entrejeu. Et devant, Kipchiou, Annie et Silla en pointe. Coup d'envoi à 20h45. Toujours en football, bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise. Après un passage de quelques mois à l'Antwerp, l'attaquant Cédric Fauré est de retour au club bruxellois. Et puis, il avait animé l'Euro de football avec son fameux pantalon pyjama. Le gardien de la Hongrie, Gábor Király, a décidé de prendre sa retraite internationale. À 40 ans et après 107 sélections, Király va maintenant jouer pour son club formateur en D1 hongroise. On file maintenant à Rio, J-2 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, mais certaines compétitions comme le tir à l'arc commenceront déjà ce vendredi avec un Belge, Robin Ramakers. Il sera donc notre premier représentant. Ensuite, samedi, le programme sera chargé avec nos cyclistes, la judoka Charline Van Snick et notre équipe masculine de hockey. Les Red Lions joueront leur premier match contre la Grande-Bretagne. Hier, en amical de préparation, les Belges se sont inclinés 4-1 face à l'Argentine. Un match un peu spécial pour certains hockeyeurs belges puisqu'ils ont joué contre un autre belge, Lucas Massot. C'est le petit-fils d'Eddy Merckx et fils de l'ancien tennisman Eduardo Massot. Lucas possède la double nationalité belge et argentine, mais il a choisi de représenter l'Argentine pour vivre son rêve olympique. Kevin Papen et François Zaleski ont rencontré Lucas Massot à Rio. Il ne porte pas son nom, mais physiquement, Lucas Massot, c'est le portrait craché de son illustre grand-père, Eddy Merckx, dont il est très proche. Son oncle, Axel, est aussi un exemple pour Lucas Massot. Sa médaille de bronze en cyclisme à Athènes a marqué le jeune homme de 22 ans qui rêve à son tour de podium olympique. Dans notre famille, on a un esprit de compétiteur. Quand on va pour une compétition, c'est clair qu'on veut arriver le plus haut possible. Moi, j'ai vu mon oncle gagner sa médaille de bronze à Athènes, donc c'est clair que j'ai envie de ramener quelque chose moi aussi, avec un autre sport, donc on verra bien. Pour gagner sa médaille, Lucas Massot devra aussi gagner sa place. Il n'est que réserviste dans l'équipe argentine, mais c'est déjà mieux qu'en Belgique où le petit-fils du cannibale n'avait pas réussi à percer chez les Red Lions. Un constat d'échec qui a motivé son choix d'opter pour l'Argentine. Choix difficile. C'est clair que je n'ai pas décidé ça en un jour. J'en ai parlé avec la fédération belge pour savoir ce qu'ils en pensaient. J'ai eu une réponse à laquelle je m'attendais, que pour Rio c'était bloqué, mais qu'après tout était possible, ce que je comprenais tout à fait. On va dire que j'étais un peu plus ambitieux et que j'ai voulu tenter ma chance avec l'Argentine. Et aujourd'hui, on peut dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien et je suis très heureux d'être ici. D'autant plus heureux qu'il a joué et gagné contre la Belgique en préparation. Un match forcément particulier pour le joueur du Wat Ducks qui a croisé plusieurs coéquipiers. On revoit un peu ses amis et tout ça, donc c'est clair que c'est un sentiment assez spécial pour moi parce que je vis en Belgique, je joue en Belgique. Donc c'est clair que c'était assez spécial et je suis content d'en plus avoir gagné, même si c'est qu'un amical. Je profite de chaque minute que je suis ici à Rio. Et les prochaines retrouvailles auront déjà lieu en quart de finale, si tout va bien, pour les Belges et les Argentins. Et toujours à propos de Rio, les nations annoncent petit à petit les différents porte-drapeaux pour la cérémonie. Michael Phelps, sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux, emmènera la délégation américaine. En France, on le sait depuis un moment, ce sera le judoka Teddy Riner. Et chez nous, eh bien, c'est toujours le mystère et les spéculations. Le comité olympique belge n'a pas encore annoncé le nom du porte-drapeau. En bref encore, cyclisme, Vincenzo Nibali est le premier coureur de la nouvelle équipe Bahrain Merida. À la fin de l'année, l'Italien quittera Astana pour rejoindre la nouvelle structure parrainée par le Royaume de Bahreïn. Et puis pour terminer, le sport automobile est en deuil. Chris Amon, ex-pilote de F1 néo-zélandais, est décédé à l'âge de 73 ans. Chris Amon était notamment le coéquipier de Jackie Hicks chez Ferrari à la fin des années 60. Assez malchanceux, le pilote n'a jamais gagné un Grand Prix de F1, mais il était devenu au fil de sa carrière une sorte de légende, un symbole de la malchance du perdant. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Merci Jérôme pour ce journal des sports. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vous avez suivi le foot ce soir ? Bah évidemment. Ah c'est important hein, ce match. Ouais. Anderlecht, ils espèrent là. On va jeter un œil là-dessus, hein, oui. Vous croyez qu'ils sont stressés à cette heure-ci avant de monter sur le terrain ? Oh, à cette heure-ci, à mon avis, à 18h15, je pense qu'ils sont dans le quart de l'équipe. Ouais. Ils vont vers le stade et à mon avis, ils ont comme nous tous le casque sur les oreilles. Ils écoutent beaucoup de musique, hein, les footballeurs. Vous croyez qu'ils écoutent le 5 à 7 aussi ? Ah, j'espère pour vous, pour nous. Ce serait sympa, oui. Bah, on leur fait un coucou si jamais c'est le cas. Et on leur souhaite bonne chance. Merci Jérôme, très bonne soirée à vous. Il est 18h15, dans un instant, on prendra la direction de Paris. Vous savez qu'à Paris, vous avez déjà vu ces images du fameux pont, le pont neuf sur lequel les amoureux accrochent un cadenas sur des grillages. Alors, il y avait déjà eu un incident il y a un petit temps avec une partie des barrières du pont neuf qui était tombée. Et maintenant, la mairie de Paris a décidé d'interdire et de faire en sorte que les touristes n'accrochent plus de cadenas. Il y a des panneaux qui vont être mis en place. Heureusement, si les amoureux ne pourront plus se rendre à Paris, à Spa, il y a un pont qui a été prévu pour ça. On va en parler dans un instant sur Vivacité. Restez bien dans le coin. On parlera aussi tout à l'heure de sport avec une jeune fille qui a 11 ans et qui tous les jours a un rituel assez dingue. C'est qu'elle s'entraîne pour faire du sport. Elle pèse 31 kilos. Et elle est capable de soulever quasiment son poids. Tous les jours, elle soulève des masses énormes. Elle s'entraîne peut-être un peu trop. Est-ce que c'est bon de faire autant de sport à cet âge-là où elle va avoir des gros problèmes plus tard ? On verra ça avec un coach sportif qui sera l'invité du 5 à 7 tout à l'heure. Mais juste avant sur Vivacité, on va jouer avec Nathalie qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Karine, pardon. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Vous êtes de quelle région Karine ? D'Anvelay, entre Namur et Charleroi. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Oui, très très bonne. Ah ben oui, alors, oui. Tant mieux. Vous avez envie de partir avec des entrées pour aller au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Vous êtes déjà allé là-bas ? Si, j'y allais une fois, oui, mais maintenant que j'ai un petit-fils, je voudrais bien l'y emmener. Ah, il a quel âge ? Il a un peu plus de 2 ans. Ah ben c'est sympa, même à 2 ans, il va pouvoir profiter. Il y a un thème cette année, princesse et dragon, ça va être super. Oui, parce qu'il est très éveillé en plus, donc il n'y a pas de souci. Alors, il va falloir se concentrer pour ce jeu. Oui. Nous allons jouer au jeu de l'actu. Si vous répondez correctement, vous allez repartir avec avec les places pour aller, un passe-famille, 2 adultes, 2 enfants, pour aller au labyrinthe à Durbuis. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis toute seule, je vais essayer de me débrouiller, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, c'est toutes des vraies infos, je vous donne le début, à vous de les compléter. Karine, on y va avec la première question. Je vais vous parler d'Alexander Peter Sirk. C'est un Néerlandais, il a 41 ans, et cet homme a dû être hospitalisé parce qu'il a frôlé la mort à cause d'une fatigue extrême. Mais pourquoi était-il si fatigué ? C'est la question que je vous pose. Et j'ai des propositions pour vous. Est-ce que c'est parce qu'il a couru 3 marathons d'affilée sans dormir ? Est-ce que c'est parce qu'il a joué à Pokémon Go 4 jours de suite ? Ou est-ce qu'il a attendu une femme rencontrée sur Internet pendant une semaine et elle n'est jamais venue ? Oh, ben comme c'est la mode, je dirais les Pokémon, moi. Ah, vous êtes tombé dans le piège. Karine, bah oui. C'était pas ça. Il a attendu une femme. Écoutez bien cette histoire. Il a rencontré, comme vous dites, il a rencontré Zhang sur Internet un mois avant. Et alors, ils se sont parlé vraiment pendant longtemps. Et il a décidé à un moment de la rejoindre. Donc, il lui a donné un rendez-vous à l'aéroport. Sauf qu'elle n'est pas arrivée. Et lui, il s'est dit, elle va quand même arriver à un moment donné. Il a attendu une semaine à l'aéroport. Et donc, il a dû être hospitalisé parce que vraiment, il était, il n'avait plus de ressources, il n'y avait plus rien. Quoi. Et alors, la fille, elle a réagi parce qu'elle pensait que c'était une blague. Et elle a dit, je veux bien poursuivre la relation, mais que sur Internet. Imaginez. Vous avez déjà fait un truc dingue par amour? Ah bah non, pas du tout. Vous avez déjà fait un truc fou par amour, vous, Karine? Oui, j'ai déjà fait des trucs fous, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Plein de choses, je ne peux pas tout expliquer. Bah dites-nous un truc explicable à la radio. Qu'est-ce que je pourrais expliquer? Bon, ça fait quand même plus de presque 40 ans que je suis avec mon mari maintenant. Félicitations. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses, je ne saurais même plus dire comme ça. Oui, peut-être qu'on a passé une fois, quand on était tout à fait, on était jeunes, on n'était pas encore mariés ni fiancés, on a passé la nuit dans un camping à la côte belge. Ouais. Mais vraiment dans une tente où on ne savait mettre qu'une personne, on avait tout rentré, on a pas su dormir toute la nuit évidemment, ben voilà. Je vous dis pas la suite. Une tente d'une personne. Pour l'époque. Ouais, j'ai une petite une tente d'une personne, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire quand on est à deux là-dedans. Et après vous avez eu des enfants donc. Oui. Karine, un peu plus tard. On y va pour la deuxième question, Karine. Oui. On part en Thaïlande cette fois-ci pour l'histoire de Lewis. Après une nuit trop arrosée, Lewis, il s'est réveillé avec un tatouage particulier. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il avait un énorme Pikachu sur tout son dos? Est-ce qu'il avait un pénis sur ses fesses? Ou est-ce qu'il avait un paquet de frites parce qu'il est fan de la Belgique? Qu'est-ce qu'il a eu au réveil? Et c'est une vraie histoire. J'imagine. Je dirais un paquet de frites. Eh ben, figurez-vous que c'est pas la bonne réponse. Il s'est retrouvé avec un pénis sur les fesses. Alors, ce qui s'est passé. Pourtant, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il est sorti avec son frère. Ils ont bu un petit peu trop. Et il s'est dit, je vais me faire un tatouage. Parce que Lewis, quand il voyage, il ramène toujours un tatouage partout où il va. Et sauf que là, il s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et il est allé chez un tatoueur. Et son frère a poussé le tatoueur à dessiner donc un pénis sur ses fesses, et au réveil il s'est demandé ce que c'était. Alors heureusement ils ont pu rattraper le tatouage, c'est-à-dire qu'il a refait tatouer quelque chose au-dessus, et donc maintenant il a un beau tatouage sur une fesse. Ils ont regardé trop Very Bad Trip à mon avis. C'est exactement cette histoire-là, effectivement. Bon, la suivante, si vous l'avez correctement, si vous répondez bien, je vous offre les places. On est prête, Karine? Allez, j'ai pas eu de chance. Oui. C'est une question qui concerne les fans de The Voice. Vous suivez The Voice? Oui. Alors il y a une artiste qui a déclaré qu'on ne la verrait jamais participer à l'émission. Elle a dit que de toute façon personne ne se retournerait sur elle. De qui s'agit-il? Est-ce Magali Vahe? Est-ce Ilona? Ilona Maîtressé, vous vous souvenez de Ilona Maîtressé? Ça me dit quelque chose, oui. Alors on va avoir des extraits. Écoutez bien le premier extrait. On les a pas, on me dit quoi en régie? Par exemple, Magali Vahe, voici un extrait de Magali Vahe. Donc ça, c'est Magali Vahe. Ilona Maîtressé, c'était dans Un Monde Parfait. Est-ce que c'est elle qui a dit ça? Ou alors, est-ce que c'est Sandra Kim? Parce qu'elle aime la vie, mais elle aime pas The Voice. Est-ce que vous avez une idée? C'est Sandra Kim, j'ai entendu qu'elle le disait à la télé. C'est vrai? Elle n'est pas la seule à l'avoir dit. Mais si elle l'a dit, pourtant, je suis certaine. Parce qu'elle aurait voulu le faire et ils n'ont pas voulu la prendre. Et elle a dit après qu'elle ne voudrait plus jamais faire de Voice. Alors, elle a dit ça dans le 8-9, mais alors, est-ce qu'il y a, quel autre artiste a dit récemment que jamais elle participerait? C'est un indice, c'est la première que j'ai citée. C'est Magali, c'est ça, Magali, Magali Vahe. Effectivement, c'est Magali Vahe qui a dit ça en disant que à The Voice, ils faisaient attention à beaucoup trop de choses et que donc on se retournerait pas sur elle et qu'elle a déjà gagné une émission et donc elle ne voulait pas reparticiper à ça. Bon, je vous l'accorde, je vous donne les places pour aller au labyrinthe de Durbuy, vous êtes bien battu. Je vous fais des bisous, Karine. Beaucoup. Merci beaucoup de bisous et je vous remercie, je félicite toute l'équipe parce que c'est super chouette. Je transmets à tout le monde. Et la petite dame que j'ai en ligne aussi parce qu'elle est super. Eh bien, voilà. Sophie qui vous appelle en antenne. Je vous souhaite une excellente soirée, Karine. À très vite. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, ce jeu nous permet quoi? Nous permet de prendre des nouvelles de Magali Vahe, qui avait gagné la Star Academy et qui donc effectivement a déclaré ça, qu'elle ne participerait pas à The Voice, même si certaines personnes lui en parlent. Bonsoir, Magali Vahe. Comme la radio est bien faite, on parle de vous, vous êtes là. Ça va bien? C'est magique. Ça va très bien, merci. Alors Magali, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vous poussent à participer à The Voice et donc ça vous parle pas? Parce qu'il y a des artistes qui tentent l'aventure, même s'ils ont déjà eu une carrière. Alors c'est pas qu'on me pousse, attention. C'est que vu qu'on ne me voit pas beaucoup à la télé et que c'est vrai que l'émission The Voice relance certaines carrières, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais pourquoi vous ne faites pas The Voice? Donc voilà, donc vous avez eu ma réponse. Et donc ça, depuis que vous l'avez dit, ça change pas. Vous ne voulez absolument pas participer à The Voice? Ah non. Même si je regarde l'émission, que j'aime bien l'émission. Il y a certains gagnants, même certains participants que j'aime beaucoup, que je suis encore aujourd'hui. Voilà, vous voyez pas là-bas. Non, voilà, c'est pas ma place et je pense que voilà, ce serait pas une bonne idée d'y aller, voilà, tout simplement. Parlez-nous un peu de vous, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, Magali, pour tous ceux qui vous ont suivi à l'époque, qui suivent encore ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Il y a un nouveau single, on écoutait un extrait il y a un instant, on peut le remettre d'ailleurs pendant qu'on est en train de se parler. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe pour vous, Magali? Il y a un nouvel EP donc, qui est en préparation pour les mois à venir. Ouais. Et on peut me retrouver donc le 16 août à Vaison-la-Romaine, au Grand Théâtre Antique, pour les TNT 2016, donc il y a un grand concours de chant, on pourra m'entendre chanter forcément. Ouais. Ah bah, en même temps, c'est ça qu'on attend de vous, donc ça c'est bien. Ouais, et donc, ça va se passer en France. Merci beaucoup, Magali, c'est d'avoir pris quelques minutes pour passer cet après-midi parce que vous êtes en vacances et ça faisait plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de mes nouvelles en Belgique, donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Bah vous repassez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. À bientôt, Magali. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. 18h24. Voici le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre S. On va travailler la sardine. C'est le bon moment de l'année pour travailler la sardine. Et la sardine, c'est d'une certaine manière un peu passé de mode. Et c'est dommage parce que c'est un produit d'exception. Et ça vous permet de faire de très très jolies choses. On est mercredi aujourd'hui, on va se faire des pâtes. On va se faire des bucatini aux sardines avec des pignons de pin et du fenouil. Fenouil poisson, association gagnante, on ne peut pas vraiment se tromper. Le craque du pignon, vous allez avoir quelque chose de très très joli. Et vous allez voir que là-dedans, on va s'ajouter une poignée de raisins secs et un petit peu d'ail, des oignons rouges pour caraméliser le truc. C'est une très très belle association et ça vous permet d'avoir une recette de pâtes qui change et suffisamment jolie, suffisamment festive pour les servir quand vous recevez. Donc à garder sous le coude dans les jolies recettes de pâtes si vous avez envie de servir ça quand vous avez des gens à la maison. Des bucatini que vous faites cuire à l'eau bouillante salée. Un petit fond d'huile d'olive que vous faites chauffer dans une grande sauteuse, éventuellement dans un wok. Vous ajoutez vos oignons rouges, de l'ail et vous laissez simplement suer quelques minutes avant d'ajouter votre fenouil. Fenouil coupé en tout petits morceaux, le fenouil que vous choisissez toujours, toujours le plus petit possible, sinon il est gorgé d'eau. Donc on ne se dit pas « au plus j'en ai pour mon prix, c'est mieux », non. Le plus petit fenouil possible, vous l'émincez très finement et vous le jetez dans cette casserole. Vous poursuivez la cuisson quelques minutes avant d'émietter des petites sardines à l'huile, donc je prends 50 g de sardines à l'huile, d'émietter les sardines sur les légumes et de mélanger. Reste à ajouter les pâtes cuites égouttées à la sauteuse, à votre wok. Vous ajoutez un jus de citron et les zestes, des petits raisins secs, je prends une petite poignée, et des pignons que vous ne devez pas toaster. Sel, poivre, vous mélangez un filet d'huile d'olive, vous servez immédiatement et c'est goal. C'est magnifique. 5 à 7. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent? Un impact financier, Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique. Car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bière et fromage depuis 1876. L'auto présente le mois de Wowout. Le mois d'août, mais en plus wow. Avec chaque semaine, un mercredi. Et chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Vivacité et la Une présente. Le bois du casier a marqué l'histoire. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, le site vous conduit tout en émotion à la rencontre de ceux et de celles qui ont fait la Wallonie. Le bois du casier, le passé présent pour le futur. www.leboisducasier.be. En ce moment, chez Brico, il y a 10 000 places à gagner pour Palawan, Aqualibi, Walibi. En plus, tous les clients Brico ont droit à des réductions dans ces trois parcs. Merci Brico. Pour les makers, Brico. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Stages, activités sportives, marches, trophées des communes. Nous parlions des activités soutenues par l'ADEPS ce mercredi. Les meilleurs moments de l'émission sont disponibles dès à présent sur notre site internet. Vivacité, ma radio complicité. Aussi sur rtbf.be/ovio. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. C'est un city trip insolite que nous vous offrons entre le 1er et le 5 août. Direction Berlin, que vous découvrirez grâce à CroisiEurope. Durant 5 jours, vous naviguerez sur les cours d'eau qui entourent la trépidante capitale allemande. Séjour en pension complète à bord, visite de la ville, de châteaux et de petits coins bucoliques. Vous connaissez déjà Berlin ? Dites-le nous sur la page Facebook de l'émission La Grande Évasion, Vivacité, RTBF. Avec Pierre Joie et Aurore Salzano. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les propos racistes suscités par la mort d'un ado flamand d'origine marocaine continuent d'agiter la Flandre. Le parquet d'Anvers va lancer des poursuites contre la Vlaamse Verde de Ginks Liga à l'origine de cette vague de haine sur Facebook. Ce mouvement d'extrême droite n'en est pas à son coup d'essai. Le parquet d'Anvers le poursuit d'ailleurs pour des faits antérieurs, mais les propos de ces derniers jours seront ajoutés au dossier. Quant à cette page Facebook, elle n'est plus accessible. Très mauvaise surprise pour les responsables de l'école communale d'Hambourg, près de Chaudfontaine. Avec la pluie qui s'abat depuis hier, le bâtiment était inondé et pour cause, le toit a disparu. Des voleurs se sont volatilisés avec quelques 300 mètres carrés de ce toit en zinc. Un vol plutôt insolite et une facture qui s'annonce salée pour l'administration communale. En football, Anderlecht reçoit ce soir Rostov, match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Anderlecht en ballotage favorable après le nul de but partout signé la semaine dernière en Russie. Les Bruxellois n'ont pas intérêt à se louper. En cas de qualification, ils seront assurés de jouer la Coupe d'Europe, au pire les poules de l'Europa League. Merci Franck, à tout à l'heure, 19h. La météo ce soir et cette nuit, eh bien les pluies vont perdre en intensité. Le temps redeviendra sec sur les Flandres, mais ailleurs on gardera de nombreux nuages et encore quelques ondées. Les minima iront de 13 à 16 degrés. Demain, la situation s'améliore un petit peu tout de même, ça c'est la bonne nouvelle. Le ciel sera toujours nuageux au sud d'ici on s'en brumeuse et une petite averse sera encore possible en Lorraine belge, mais plus à l'ouest, même si les nuages resteront nombreux, eh bien on aura quelques éclaircies et un temps généralement sec. Globalement donc l'ambiance sera plus claire que ces deux derniers jours et les températures resteront elles bloquées dans la même fourchette de 16 à 21 degrés. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info à 18h32. Marjorie Bilot, que se passe-t-il? Oui Cyril, eh bien écoutez, on nous a prévenu il y a quelques minutes d'un piéton dans l'échangeur de Longsaint, donc attention, si vous êtes dans la bretelle reliant la 602 venant de Chennai à l'E40 vers Bruxelles. Sur le ring, encore un peu de patience entre Woluwe-Saint-Etienne et Vilvorde vers Grand-Bigard. Là, on perd un peu moins de 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes aussi entre Woluwe-Saint-Etienne et Tervuren vers Waterloo. Et puis, toujours ces travaux à Forêt hein, sur le ring qui vous font perdre un peu plus de 10 minutes, surtout en direction de Mons. Et puis, ces travaux vers la mer sur le 40 Bruxelles-Ostende qui vous ralentissent à partir d'Herpemer. Comptez une demi-heure supplémentaire dans ces kilomètres de ralentissement. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Extra lucide, quand tu es sûr, la scène. La scène à Paris, c'est bien connu des amoureux qui avaient tendance à aller accrocher un petit cadenas sur le Pont Neuf à Paris. Vous avez vu ces images partout, déjà dans des séries, à la télé. On a déjà vu souvent cette vue donc de la scène et les amoureux qui s'embrassent, qui accrochent pour sceller leur amour sur ce pont. Sauf que, si j'utilise le passé, c'est que la ville de Paris voudrait que tout ça s'arrête. Alors même si c'est la capitale du romantisme et de l'amour, la mairie a dit que il était temps de redonner la vue dégagée, fini d'avoir des cadenas accrochés. Il va y avoir des panneaux qui vont être ajoutés dans la rue et une signalisation au sol qui vont être mise en place dans les jours qui viennent pour demander aux gens de ne plus accrocher des cadenas sur les ponts de Paris. Alors les amoureux, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à Paris maintenant qu'il n'y a plus ce petit côté romantique de on accroche notre amour et il est fermé à vie, personne ne trouvera jamais la clé, nous resterons longtemps ensemble, jusqu'à la première fille que tu rencontreras sur Facebook. Mais il y a une solution. Il y a une solution pour tous ces amoureux. Elle est chez nous, elle est en Belgique. Donc est-ce que tous les touristes parisiens vont débarquer en Belgique? Je ne sais pas. Si jamais c'est le cas, ils iront du côté de Spa, puisque là-bas, il y a un pont des amoureux. On en avait parlé en février. C'était un projet à Spa. Maintenant, ça y est, c'est fait. Isabelle Grégoire, vous êtes directrice de l'Office du tourisme de Spa. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Vous êtes prête à accueillir un maximum de touristes parisiens maintenant, alors, vu que là-bas, on ne pourra plus accrocher notre amour au pont? Évidemment, on est prêt à accueillir l'ensemble des touristes de la planète entière qui veulent céder leur amour à Spa, hein, pas de problème. Un petit mot sur ce pont, puisque là-bas, donc à Paris, il y a un pont qui enjambe la Seine et c'est le pont Neuf où les amoureux allaient accrocher ce fameux cadenas. Chez vous, ça se passe comment? Oui, bah chez nous, c'est simple. En fait, on a simplement réagi à une demande puisqu'on a constaté qu'il y avait des gens qui accrochaient des cadenas sur la balustrade d'un pont qui se situe au lac de Warfa, donc à 2 kilomètres du centre-ville, qui est une balade qui est très fréquentée par les couples, simplement parce que c'est une petite balade assez courte et facile d'accès. Et donc, pour éviter ce qui se passe à Paris, on a simplement organisé l'accrochage de ces cadenas en apposant une grille. Donc on a doublé la barrière du pont avec une grille qui permet l'accrochage facile des cadenas. De toute façon, la structure du pont nécessitait des cadenas beaucoup trop gros, donc ça en plus aurait été difficile et moins beau et puis plus compliqué pour les amoureux de transporter ces gros cadenas que des petits cadenas tout simples. Vous comprenez la ville de Paris qui interdit maintenant l'accrochage de cadenas? Mais oui, je comprends parce que là, c'est vraiment des monuments historiques. Nous, on est déjà en train de s'organiser parce que c'est un tout petit pont. C'est un pont au fond du lac. On est à Spa, on n'est pas à Paris. On a une fréquentation touristique qui est importante, certes, mais on n'a pas que des amoureux. On en a beaucoup, mais on n'a pas que des amoureux. Et donc voilà, on s'organise, je comprends. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons pris les devants et qu'on a organisé cet accrochage pour ne pas abîmer l'ouvrage d'art qui est la balustrade du pont, qui a été rénovée il y a peu, donc voilà, c'est inutile. En organisant, ça permet d'empêcher les nuisances. Maintenant, le pont est loin d'être le pont qui enjambe la Seine, donc je pense que même organisé à Paris, c'était pas possible. Ah bah c'est ce que dit la mairie, c'est trouver d'autres solutions pour prouver votre amour. Est-ce qu'il y a encore de la place pour accrocher des cadenas à Spa? Évidemment, il faut informer la mairie de Paris que la solution est chez nous. Il y a encore de la place. On va envoyer un message. Lorsque le pont sera complet, on a d'autres possibilités. On a d'autres balustrades le long de cours d'eau qui sont possibles, qui sont des endroits qui sont possibles aussi. Donc, bien sûr, il faut informer la mairie de Paris qu'on est disposé à accueillir tous les touristes parisiens. Eh ben, on va leur dire, il n'y a pas de problème. Isabelle, c'est une preuve d'amour qui vous plaît, ça, d'accrocher, de sceller l'amour avec un cadenas? Ça vous parle, ça, vous, personnellement? Moi, personnellement, je ne me suis pas trop posé la question, non. Je trouve que les cadenas... Qu'est-ce qui vous fait craquer, Isabelle? Comme ça, les auditeurs qui viennent à SPA savent qu'ils peuvent venir faire quelque chose pour vous, Isabelle. Moi, c'est le sourire, la sympathie des gens, partager un bon moment, en couple, entre amis, c'est ça qui me fait craquer. Donc, n'hésitez pas. Enfermer quelque chose, non. Ça, non. Donc, si vous passez par l'office du tourisme de SPA, vous souriez bien fort à Isabelle. Et après, on verra. Peut-être que vous finirez. Et après, on verra. Voilà. Peut-être que vous irez quand même au bout du lac. Merci Isabelle d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très vite. Il est 18h38, vous savez que tous les soirs, on revient sur l'histoire de vos hits. C'est Marc Touesca qui vous raconte toutes ces belles histoires sur les chansons qui vous ont marqué. Ça s'appelle Pop Story et c'est maintenant dans le 5 à 7. 5 à 7 avec Cyril. Pop Story. Marc Touesca. Pop Story vous invite à faire un petit voyage dans le temps et retrouver ces titres qui dominaient un 25 mars les tops et les charts de la planète. Il y a 25 ans, jour pour jour, Scorpion avec Wind of Change était numéro 1 un peu partout en Europe. Un vent de changement inspiré au groupe par la chute du mur de Berlin 2 ans plus tôt et qui ouvre sans réserve les frontières de notre vieux continent enfin unifié. Le même jour, le top 40 anglais sacre un jeune blondinet propre sur lui, genre dents blanches et pchipchit sous les bras, dont on raffole chez les mangeurs de fish and chips, les jeunes filles en jupette et rubans dans les cheveux. Shani Hawkes est le nom d'artiste de ce garçon parti pour faire chavirer des centaines de milliers de cœurs prépubères avec son seul et unique hit, The One and Only. Ses premières places dans les charts US et anglais, le beau Shani Hawkes est complètement passé au travers de notre top. Aux États-Unis, ce 25 mars 1991, c'est Gloria Estefan qui pulvérise toute la concurrence. Ce n'est pas pour rien, ni un hasard, si l'ex-chanteuse et meneuse du Miami Sound Machine allait devenir en quelques semaines la plus grande star latine de tous les temps. Il y a 25 ans, elle culminait au sommet des tops avec... C'était un 25 mars encore, mais il y a tout juste 20 ans, nous découvrions Robert Miles, DJ et producteur numéro 1 des ventes en France. Sa chanson « Children » est une réponse aux atrocités dont sont victimes les enfants partout dans les territoires en guerre. Déclinée en plusieurs versions ou durées, cet instrumental s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et collectionne un nombre impressionnant de numéro 1 dans le monde. 1996, c'était numéro 1 un peu partout dans le monde. Robert Miles, Children. Pop Story. L'histoire des Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Spirale Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirale Automobile. Le meilleur service au meilleur prix à Liège, Trois Ponts et Verviers. Rendez-vous sur Vivacité avec de la musique, vous savez, tous les jours, c'est comme ça, dès 19h, le tip-top, la quotidienne, une bonne dose de tout ce que vous aimez et des cadeaux. Tout ça avec Bernard Dewey, ça démarre donc dans 15 petites minutes. Et au programme ce soir, un DJ français qui a décidé de sampler une musique chez lui, dans sa chambre, et ça a fait le succès qu'on connaît. Il s'appelle Kungs, ce DJ, et le titre c'est This Girl que vous entendrez. Kungs, These Girls arrive dès 19h sur Vivacité. 17h, 19h, 5 à 7. Une fille qui a 11 ans, elle s'appelle Elia Tamiya. Elle pèse 31 kilos, elle est capable de soulever quasiment son poids. On en parle aujourd'hui dans l'actualité de cette fille parce que tous les jours, elle suit un entraînement professionnel. Et donc, elle pèse des masses assez énormes. Et il y a un spécialiste qui s'énerve dans la presse aujourd'hui qui dit « Attention, quand elle sera âgée de 20 ou 30 ans, elle aura les articulations d'une personne de 40 ou 50 ans. » Est-ce que tous les enfants peuvent faire du sport? Est-ce qu'on peut faire du sport intensif? Est-ce qu'on peut soulever des poids à cet âge-là? On va en parler à un expert du sport, Bruno Berriot, qui est responsable de Body Concept Training. Bonsoir Bruno. Salut Cyril, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais chaque fois que j'entends le jingle, je me déchaîne dessus. Donc, alors voilà, justement, c'est une question que je me posais, parce que quand on parle de sport, on met souvent cette musique-là, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui font du sport sur Véronique et Davina? Je crois pas. Enfin, la bonne question, c'est en font-ils encore avec Véronique et Davina? Ah bah, ça, je crois pas non plus. c'est quoi la musique idéale pour faire du sport en ce moment, Bruno, avant de revenir sur le sujet? Franchement, là, vous êtes beaucoup plus fort que moi, parce que c'est vous l'expert en ce domaine, et moi, là, je ne suis pas, très, très calé. Tant que ça nous plaît, c'est bien, de toute façon. Tant que ça nous motive, voilà. On prend. Tout à fait. Bon, alors, cette fille-là, c'est bien, oui. Ce qu'elle fait à 11 ans, peser des poids énormes, donc elle fait de l'haltérophilie. Est-ce que c'est bien? Ben, je serais un petit peu comme la personne qui a dit des choses dans la presse, parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir. Moi, je me suis posé trois questions par rapport à cette petite fille, à cette gamine, dirais-je. Un, c'est d'où vient sa motivation? Deux, c'est en quoi l'enfant est-il différent? Et trois, quel est l'impact sur sa croissance? Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment les trois préoccupations principales. Mais d'où vient sa motivation? Je pense, Cyril, vous savez que j'ai pour habitude d'être cash, hein, donc j'assume mes responsabilités. Ouais. Mais d'où vient sa motivation? Je pense que c'est l'enfant n'est pas demandeur de telles performances. Il y a des chances. Ça, ouais. Voilà, il y a des chances. Et je pense que c'est le parent qui fait une projection et forcément qui entraîne l'enfant là-dedans. Alors, c'est bien de l'entraîner dans le sport et dans l'activité physique et sportive. Je trouve que c'est génial. Évidemment, c'est mon domaine et c'est mon cheval de bataille au quotidien. Mais la question après à se poser, c'est le parent devrait se demander, mais en quoi l'enfant est-il différent? On voit souvent l'enfant comme un adulte en miniature. Alors qu'il y a vraiment d'énormes différences au niveau de l'anatomie, au niveau de la structure de son corps. Si on prend par exemple au niveau du squelette ostéo-articulaire, eh bien, on peut voir l'enfant un petit peu, je vous donne une image très parlante, mais c'est comme un peu une mosaïque de cartilage de conjugaison. Donc l'enfant, il est en construction et ces cartilages de croissance constituent des zones de fragilité. Et la structure osseuse est également plus fragile. Donc c'est des choses auxquelles vraiment on doit avoir conscience de ça. Et je pense que c'est primordial de faire attention aux micro-traumatismes et autres qui vont agir plus tard. Parce que ce monsieur a tout à fait raison, hein, la croissance de l'enfant, Plus tard, effectivement, il peut avoir des problèmes articulaires beaucoup plus tôt que s'il n'avait pas dépassé des limites extrêmes. Et ça veut dire qu'on doit faire quoi ? On doit interdire à nos enfants de faire du sport ou bien on doit vachement surveiller ce qu'ils font ? Parce que je sais que l'accès aux salles de sport est par exemple réglementé, on ne peut pas aller à n'importe quel âge faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est une excuse pour les enfants qui disent « Oh, j'ai pas envie de faire de sport » parce que de toute façon c'est dangereux ? Bah non, parce que je pense qu'il faut, vraiment les diriger vers quelque chose qui soit adapté à leur âge. Je pense qu'une gamine d'11 ans, j'ai vu cet article, hein, cette petite fille s'entraîne, je pense, 24 heures par semaine. Donc, vous savez, il y a un surmenage au niveau psychologique et pas que physiologique, hein, je ne me trompe pas, on a bien entendu, c'est psychologique. Le surmenage du sport, on voit ça chez un enfant qui a un appétit qui diminue, qui a des résultats scolaires qui diminuent, qui a une mauvaise gestion de son stress dans un match, par exemple, les enfants qui se mettent à pleurer comme ça parce qu'ils ont raté. Et c'est aussi psychologiquement, c'est le fait de décevoir le parent qui est grave pour eux, donc on les surcharge vraiment mentalement. Et par rapport au poids, pour revenir à cette surcharge de travail, parce que je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais on a parlé de 24 heures de travail pour cette gamine. Ouais, 4 à 5 heures par jour depuis qu'elle a 7 ans. Voilà. On recommande chez un enfant maximum 10 heures par semaine, tout compris au niveau des activités. Et on évoque même, certains spécialistes évoquent même la possibilité d'un risque ultérieur d'arthrose à l'âge adulte si on dépasse 8 heures chez l'enfant de sport. Et je ne peux pas éviter cette troisième question de l'impact sur sa croissance, parce qu'on entend souvent dire ça. Est-ce qu'un adolescent peut faire de la musculation ou pas ? Ça ralentit la croissance, on entend souvent ça. En fait, la pratique intensive du sport, elle provoque une diminution de certaines sécrétions hormonales, telles que la progestérone et l'estrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ralentit en fait la puberté. Donc, ce que je vous dis ici, c'est médical. Mmh. En fait, on s'est aperçu qu'avec les études, c'est pas vraiment inquiétant. Mais il faut rester attentionné. Et rester dans la prévention aussi, il faut vraiment surveiller son enfant. C'est pas vraiment inquiétant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'enfant rattrape par la suite, il rattrape ce retard au niveau de la puberté. Et donc, c'est pas inquiétant, mais c'est vrai que chez certains enfants, on doit médicalement leur demander de diminuer leur dose de sport ou voire carrément même faire une pause pendant certains mois puberté... Voilà. C'est ce qu'on vous a dit. Ça fait des mois que ça dure, ça, c'est réel. Des années que j'en fais plus. Et je respecte ce qu'on m'a dit. Dis attention, oui, le sport, tout ça. Je n'en doute pas. J'en profite que vous soyez là, Bruno. Une petite question. On a des enfants à la maison, on a envie de faire une petite activité sportive ensemble. C'est quoi le petit conseil avant de nous laisser, le petit conseil du sport qu'on peut faire en famille ? Qu'on peut faire en famille, c'est aujourd'hui, le temps passe trop vite. Toute communication doit être à vitesse VV', donc prendre du temps déjà avec sa famille, avec les gens que l'on aime, avec les gens qui nous entourent, et bouger. Et c'est pour ça que je parle d'activité physique et non pas de sport absolument, parce qu'il est évident que des parents d'âge adulte avec des enfants ne vont pas pouvoir vraiment faire un sport qui vont leur correspondre ensemble. Par contre, le temps qu'ils vont passer ensemble, lui, est enrichissant, et ne serait-ce que d'aller marcher, faire une balade en vélo, va ressouder un petit peu la famille et l'endroit de la discussion, l'ouverture du dialogue et puis la richesse de l'humain. C'est quand même, on est fait à la base pour rencontrer des gens. Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais donc déjà, bouger en famille, ce sera une très bonne chose. Merci beaucoup, Bruno, d'être passé dans l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, vous savez. Je commence à me sentir bien. À bientôt, Bruno. Bonne soirée. Je vous embrasse. 18h52, il est l'heure de retrouver les meilleurs moments des enfants de cœur. Tout l'été, c'est comme ça dans le 5 à 7. On revient sur ce que vous avez adoré pendant l'année. Et vous savez que chaque semaine, il y a James Dino qui passe faire un coucou aux enfants de cœur. C'est la semaine de James Dino qu'on retrouve tout de suite. Les enfants de cœur. La semaine de James Dino. Alors, mesdames et messieurs, en ces temps lourds et difficiles, durs pour les humoristes que nous sommes de trouver le bon mot, de trouver le bon sujet, celui qui fait rire, Jean-Jacques, du haut de son maître... nous a évidemment conseillé de choisir quelque chose de plus léger pour aujourd'hui. Et comme après tout, c'est lui qui nous paye, on a pensé à nos familles, on a obtempéré. Alors, j'ai réfléchi longtemps pour trouver un thème léger, parce que la légèreté, c'est pas dans ma nature. J'ai pensé, puis je me suis dit, les pneus neige. Les pneus neige, ça c'est léger, les pneus neige. Enfin, si c'est les pneus neige d'une Twingo, parce que si ce sont ceux d'un camion, c'est beaucoup plus lourd, évidemment. Oui. Ah ben voilà, vous comprenez ? Déjà, les premiers jeux de mots arrivent, hein, c'est bien. Alors, l'avantage du sujet du pneu neige, c'est que ça n'est pas clivant, ça touche tout le monde. Je dirais même plus, c'est un sujet qui est rassembleur, évidemment. Même les djihadistes peuvent se sentir concernés, hein, eux qui fréquentent beaucoup les montagnes. Et alors, c'est parti. Oui, allez. C'est parti. Alors, je vous vois venir, vous vous dites, moi, je suis belge, j'habite le plat pays, si bien représenté par Justine Hénin, enfin, par la poitrine de Justine Hénin. Taisez-vous. Et donc, par définition, si c'est plat, ben c'est qu'il n'y a pas de montagne. Et s'il n'y a pas de montagne, pourquoi j'achèterais des pneus neige ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de montagne, mais parfois... Eh ben oui, essayez de réfléchir, un bande de couillons. Allez. Et puis aussi parce que les garagistes vous le diront, c'est une question de sécurité, on peut mettre des pneus neige même quand il n'y a pas de neige. Tout comme on peut mettre des lunettes de soleil même quand il n'y a pas de lumière. Regardez Gilbert Montagnier, il le fait. Ben oui, oui. Regardez-le parce que lui, vous ne regarde pas. Allez, concentrez-vous. Oui, je tiens à m'excuser pour cette blague nulle et méchante, je vous jure, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est mon bic. Et c'est un bic très méchant que j'ai acheté dans une commune bruxelloise. Molenbeek. Oui, taisez-vous. Ben oui, mais on va... Oh, jamais, au grand jamais, ce soir, on n'aurait pu faire qu'une. Oui, c'est des heures de travail pour ça. Hein. Alors, bref, le garagiste a dit... Donc, le garagiste conseille d'ailleurs de commencer à mettre des pneus neige dès que les routes commencent à être froides. Alors, moi, j'ai dans l'idée qu'une route, en général, c'est froid. Sauf quand c'est des routes chauffées, évidemment, mais c'est plus rare. Alors, moi, je pense qu'on aurait déjà, par contre, de magnifiques trous pour placer les chauffages. Et avec les... Hein? Et avec les nids de poules qu'on a chez nous, c'est des chaudières entières qu'on pourrait mettre dedans. Il y a bien des endroits du côté de Charleroi où on pourrait carrément placer des réacteurs nucléaires. Allez, on se concentre. Bref, vous l'avez compris, la consigne de sécurité. Quand la route est froide, en dessous de 7 degrés, on met des pneus hiver. Quand la route est tiède, au-dessus de 7 degrés, on met des pneus été. Le problème, c'est qu'en Belgique, vous le savez, la température change tous les jours. Du coup, le 1er novembre, il fait moins 6 degrés, t'as ton bonnet, t'as ton écharpe, tu vas mettre tes pneus neige. Le 2 novembre, tu te lèves, il fait 25 degrés, tout le monde est en t-shirt. Eh ben, t'es vachement emmerdé avec tes pneus neige. Un peu comme si t'étais en combinaison de ski et en moonboot sur une plage à Copacabana. T'es emmerdé et en plus t'as l'air con. C'est chiant ça quand même. Ou comme si tu étais en tong en plein mois de janvier. Évidemment là, dans ce cas précis, c'est dangereux parce que là tu risques une sortie de trottoir. Une sortie de trottoir, c'est comme une sortie de route mais pour les piétons. Hein? C'est Bourdon qui me l'a donné dans la voiture. Ouais. Molenbeek ça. Molenbeek. Molenbeek c'était Molenbeek. Bien ça. On va s'arrêter à Molenbeek. Je crois que ça va être... Je crois que Molenbeek ça va être notre nouveau Charleroi là. J'encourage, évidemment, je vous encourage, vu que c'est la période à mettre des pneus neige, c'est mieux pour votre sécurité. Et puis l'avantage des pneus neige, c'est que pendant le temps qu'on utilise les pneus neige, eh ben, on n'utilise pas les autres. Sauf si vous avez des voitures à 8 roues. Ben, vous n'êtes pas aussi con pour avoir des voitures à 8 roues, vous. Hein? Alors les plus malins vont me dire, oui, mais moi, si je veux, je peux mettre les 4 en même temps. Je mets 2 pneus été devant et 2 pneus neige derrière. Ou le contraire. Ou alors, un pneu été devant à gauche... Et un pneu hiver à droite. Ou derrière. À gauche. Bon, je ne vais pas faire tout, ça va faire chier les gens. Mais je vous dirais tout simplement que c'est un argument à la con, parce que c'est comme si vous partiez au ski, vous mettez une botte de ski à votre pied gauche et une tongue à votre pied droit. Bon, ben vous n'aurez même pas encore chaussé les skis, vous allez glisser beaucoup moins bien. Alors, moi j'ai l'impression que je m'embourbe avec cette chronique sur les pneus neige. Je vais essayer d'aller en écrire une sur les attentats, ça fera plus marrer. Allez, à la semaine prochaine. Les enfants de cœur sont aussi sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions ou vos histoires drôles. Ben oui, allez faire tout ça en attendant le retour des enfants de cœur à la rentrée sur Vivacité. Rassurez-vous, avant qu'ils ne reviennent, on écoute forcément tous les soirs le best-of dans le 5 à 7 sur Vivacité. C'est à retrouver aussi sur vivacité.be. Nouveau 5 à 7 demain dès 17h et puis la place à celui qui va vous passer le plus de hits possible en une heure. Celui qui peut vous parler des séries télé pendant des heures. Ah oui. Bernard Dewey est là. Comment ça va Bernard ? Mais ça va bien Cyril. C'est quoi la série du moment qu'il faut regarder ? Alors pour l'instant, vous êtes un c'est grand fan. La saison 2 de Weaver Pine, c'est pas mal. Ah ben, il faudra déjà commencer par la saison 1. je dois encore faire votre formation. Je vais passer la soirée avec vous, vous allez me renseigner là-dessus. Très bonne soirée, très bon tip-top. Merci beaucoup. Bonne soirée Bernard, le tip-top qui arrive dans quelques petites secondes, juste après le journal de 19h sur Vivacité. Prêt pour l'aventure ?